de l'amour et du fun. We're having fun. Tous les soirs, Love in Fun. 20h, 22h sur Fun Radio. Bienvenue si vous venez de débarquer. Bon, vous avez raté toute l'émission, hein, mais bon, il y a encore du lourd là. Maintenant sur Fun Radio, surtout qu'on va appeler le grand gagnant du jeu des stickers. C'était la deuxième édition du jeu des stickers. Vous nous avez régalé avec plein de photos que vous nous avez envoyées. Le but du jeu, en fait, c'était de prendre une photo avec le stickers Love in Fun qui, je le rappelle, est gratuit. Je sais que dans d'autres émissions, on vous le fait payer 1€. Nous, nos autocollants, ils sont gratos, hein. On vous les envoie. Comment tu peux faire payer un autocollant 1€, sans déconner? C'est vraiment du foutage de gueule, le truc. Alors, on va appeler le grand gagnant. Le suspense est à son maximum. Musique de suspense. Qui a déclenché le plus de votes sur le site loveinfun.fr avec une photo magnifique? Qui a un très très bel effet d'optique sur cette photo? C'est une statue porte. Allô? Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Rémi? Ouais, c'est moi. Salut Rémi. Salut. Tu sais où t'es? Ah, bah j'ai une petite impression là. Ah, qui t'appelle? C'est Karel. Oui, et je suis avec. Je suis avec qui? Je suis avec Alice, le doc et tout le monde. Et oui. Et tu sais pourquoi on t'appelle, Rémi? T'as gagné un iPad mini. Bravo. Oh, putain, yes. Oh, merci toute l'équipe. Et Rémi. Ouais. Tu vas venir passer une journée avec nous. Oh putain, j'ai trop hâte. On va te payer le transport, tout ce qui va avec. Tu dormiras chez Alice. Faites ce que vous voulez. On n'a qu'une vie. Allez. Rémi, on te fait une grosse bise. Bravo et merci pour ta participation. Et salut. Et j'en place une pour tous ceux qui ont envoyé des photos. Je sais que ouais, voilà, c'était assez serré. Merci beaucoup Rémi. Salut à toi. Merci. Salut. On se retrouve dès demain là sur Fun Radio à partir de 20h comme tous les soirs. Ce sera la dernière semaine de Love in Fun de la saison. Eh oui. T'as, c'est passé vite, hein, franchement. Certainement. Ah, ça file, hein. Ça file. Il paraît qu'on revient l'année prochaine. Hein, tu vois bien. Il paraît qu'on revient l'année prochaine. Putain, oh, c'est cool. Sans déconner. C'est énorme. On a hâte de vous retrouver en tout cas dès demain sur Fun Radio. Et tout de suite, on va retrouver Marion et Anso. Le Night Show sur Fun Radio. Bonne soirée à tous et à demain sur Fun. D'écouter une émission de dingue basée sur l'amitié. Les paroles de cette chanson ne sont pas délire, mais ce soir je vous le promets, je vous le jure, je crache. L'émission sera mieux. C'est Marion et Anso sont ce soir sur Fun Radio. Marion et Anso dès 22h dans le Night Show. Welcome to the Night Show. Marion et Anso. The Night Show. Sur Fun Radio. Bonsoir tout le monde et bienvenue sur Fun Radio. C'est Marion et Anso. Yeah. On est hyper contents de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission en direct jusqu'à minuit avec du gros débrief. Hein, parce qu'on a quand même vécu un week-end de malade. Ce week-end, toute l'équipe de Fun Radio était à Ibiza. Et il s'est passé beaucoup de choses à Ibiza. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tout ce qui se passe à Ibiza ne reste pas forcément à Ibiza. Ah, pas avec nous. Hein. Nous, on a décidé de tout balancer, de tout partager avec vous. Anso, t'as récupéré ta voix un peu. Hein. Ouais, j'ai un peu récupéré ma voix. Elle part un peu en steak, mais c'est beaucoup mieux qu'hier. Je pouvais pas aligner trois mots hier. C'était horrible. La personne a beaucoup crié, a beaucoup fait la fête. C'était un week-end vraiment intense. Je sais pas si vous nous avez suivis là sur les réseaux sociaux. On va tout débriefer avec vous. Il y a eu du Amir. Mais du Amir. Du grand Amir. Oh là là, du grand Amir. De la Anso, égale à elle-même. Hein, de la Anso qui, évidemment, a rencontré quelqu'un et qui, évidemment, a fait des choses. Voilà, à base de nuit blanche, tout ça. Du Mano. Mano, hein, on l'a perdu. Attendez, non, du Mano, tout amour. Plutôt sage. Ça, c'est sûr. Et alors, du défi réalisé pour certains parce que vous nous aviez donné des défis sur Snap à faire, notamment Anso qui a très bien dragué les mecs en espagnol. J'étais là, je t'ai soutenu, c'était bien, Babeur. Soutenu. Tu riais à 4 km de moi. C'est une sorte de soutien pour moi. Et alors du défi, mais complètement raté par ces lâches de garçons de l'équipe qui devaient faire simplement un bain de minuit. C'est quand même kiffant Ibiza. On a oublié. Non, les gars ne l'ont pas fait. On les a relancés 600 fois. Ils ont été lâches. Ils ont eu froid. Du coup, je vous le dis directement, il y aura de la punition, les amis. Ouais. On vous dit. Les auditeurs avaient décidé, vous les avez déçus. Et on vous donnera votre punition ce soir. Voilà. Et en parlant de punition ce soir, il y a le devoir d'Anso et Amir. Ouais. Ce soir, vous deviez préparer un mix complètement ringard. C'est Amir qui va se mettre au platine. Bien et sûr, Anso, elle va devoir faire Bah la MC. Ouais, mais la MC un peu beauf quoi. Un peu beauf, un peu beaucoup, ça devrait être super cool, ce sera aux alentours de 22h30. On va aussi se faire le top 10 des pires faits divers qui concernent les parents. On a trouvé une news hallucinante, je la donne pas maintenant. Non, tu la donnes pas tout de suite. Un comportement d'un papa, mais vraiment horrible. Restez là parce que gros dossier tout à l'heure dans le Night Show. Et ce soir, on vous offre vos overboards. Ça, c'est du cadeau de ouf, ça se passe dans Je te demande pardon. 01 42 48 5000 si vous voulez le gagner, tout simplement. J'ai l'impression que tu as oublié quelque chose, Marion. Non, j'ai rien oublié. Et ce soir, dans le Night Show, les gars, nous allons recevoir une artiste complète. C'est toi. Une femme qui sent bon, une femme agréable. C'est Marion, la youtubeuse, qui sera l'invitée du Night Show ce soir. J'espère qu'elle est aussi sympa dans la vie que dans ses nouvelles vidéos YouTube. Donc, en tout cas, on découvrira ça. Je parle bien sûr de Marion qui est à côté de moi, qui vient juste de lancer sa chaîne YouTube. Oui, c'est vrai, ça s'appelle Marion Facecam. J'espère que vous m'avez préparé des jeux et que je pourrai faire le pourquoi tu m'appelles. Exactement. Et si vous avez plein de questions à poser à Marion, ça se passe au 01 42 48 5000. Le prochain invité du Night Show sera Wacha mon chat. Voilà, je vous le dis. C'est clair, très centré sur nous tout pour ça. Pour fêter ses 3000 followers sur Instagram. Cool. Bon, en tout cas, il y aura du bon son aussi ce soir. Il y aura Julianne Peretta avec nous. Et en parlant de son, il faut absolument qu'on vous débriefe tout à l'heure les soirées qu'on a passées là-bas. Ouais, à base de DJ de malade, c'était une tuerie. C'est des teufs, mais d'un autre monde, quoi. Clairement. Bizarre. Fou. Et puis, il y aura le tout nouveau Beyoncé aussi ce soir. Hein. Et là, ma Bibi. Cette voix de ouf. The Queen. J'adore. Bonsoir Amir des réseaux sociaux. Salut Marion la Brune. J'ai envie de dire Amir le lâche, hein, puisque tu fais partie de ceux qui n'ont pas relevé le défi Snap. Absolument pas. Bah si. Non. Assume au moins. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Je peux raconter ? Non. Ok. Pas d'excuses. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Mais je raconte quand même. On est parti de l'hôtel pour rentrer du coup dans notre hôtel où on dormait. En fait, on est passé par la plage. Et puis à ce moment-là, on a été, disons, notre esprit bien a sûr. Été pris par autre chose. Bien ouais. sûr, bien sûr, bien sûr. C'est sur la plage, à 2h du mat, à Ibiza, il se passe plein de choses. On ne te croit pas, Amir. Mais c'est la pure vérité. Et visiblement, il se passe beaucoup de choses avec des gens tout nus. Ouais, oui. Des gens tout nus. Alors du coup, on a beaucoup rigolé. Et puis après, on s'est allongé face à la piscine. Ouais. Et on avait froid. Et puis Non, mais c'est pas grave. On n'y a même pas pensé. Vous allez payer, les gars, cette semaine. Hein. On va trouver un endroit où vous allez pouvoir faire votre bain de minuit. Ce sera à Paris, ce sera beaucoup moins sexy qu'à Ibiza. Hein. En tout cas, on va revenir longuement sur les dossiers Ibiza dans un instant. Hein, donc, bougez pas. Et du coup, continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Amir vous répond, c'est Marion et Anso partout. La chaîne YouTube Marion et Anso. On arrive aux 100 000 petit à petit. J'aimerais tellement les passer là cette semaine. Ce serait beau de fêter ça avec vous. Et la chaîne YouTube Gaming, Marion et Anso Gaming. Ouais. Bonsoir, Manu Alaréa. Bonsoir. Mano le lâche aussi du coup, hein. Tu fais partie du lot, je suis désolée. Non mais on était en jean aussi, on allait et pas... Et c'est à poil un bain de minuit, excuse-nous. Attends, hein. Moi je suis tombée dans, la mer avec toute l'équipe de fun et j'ai rien dit. Hein. Voilà, ouais, mais toi, t'es c'est pas grave. On voit où sont les courageuses. T'as passé un bon week-end au moins ? Ouais, très bien, j'ai un peu perdu ma voix comme Enzo. On a tellement crié, c'était ouf. Bonsoir Enzo au standard. Salut les filles, je suis un lâche aussi. Ouais, et alors toi je crois que t'es celui qui m'a le plus déçu parce que vraiment je pensais que tu le ferais avec plaisir, tu vois. Ouais, mais en fait j'allais le faire. Mais quand j'ai vu une prostituée vers moi, j'ai dit non, je vais pas le faire. Mais c'est vrai qu'il y avait quelques prostituées là-bas sur la plage. Et disons y a que ça. Sur la plage à Ibiza, les gens s'aiment quoi. Ils s'aiment. Toi aussi, t'as fait la fête, c'était bien. Hein. Ouais, franchement, c'est cool. Merci les filles, grâce à vous, j'ai pu voyager, j'ai pu voir d'autres choses. Surtout, merci au patron de Fun, à l'équipe de Fun, de nous avoir permis de vivre cette expérience. Parce que franchement, c'est pas dans toutes les radios qu'on peut faire ce genre de truc. Réunir toute une antenne dans un endroit paradisiaque comme ça. Merci beaucoup. On est clairement dans la meilleure radio, la plus fun quoi. Voilà, la meilleure radio du monde, on peut le dire. Oui, on peut le dire. Allez, présente-nous le premier auditeur de ce soir, petit Alors, homme. Alors, c'est Kenzo, il a 20 ans, il habite à Toulon. Et ce week-end, il était en boîte de nuit, mais il a pas réussi à pécho. Ah, d'accord. Donc tu nous balances tout le dossier, quoi. Non, mais non, il reste des trucs à dire. D'accord. Okay. Bonsoir, Kenzo. Salut. Ça va, Kenzo ? Salut Marion, salut Anso, salut à toute l'équipe. Bienvenue. Bien le bonjour. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé ce week-end ? Alors ce week-end, comme la plupart de tous les week-ends, je sors en boîte. Et cette fois-ci, j'étais avec d'autres potes à moi que d'habitude, je ne sors pas trop avec eux. Ouais. Et cette fois-ci, j'ai voulu aller, comme la plupart du temps, vers les filles. D'habitude, ça marche. Mais là, j'étais vers beaucoup plus. Et au final, j'ai fait que me prendre des râteaux toute la soirée. Ah merde. Bah ça arrive. Et deux baffes. Tu devais être sacrément lourd quand même, non ? Pour prendre deux baffes. Non, parce que, quand même, ouais. J'étais très casse-couille, quand même. Mais qu'est-ce que t'as fait? Je suis arrivé vers une fille et je parlais un peu avec elle. Elle me regardait dans les yeux et je l'embrassais direct. Et je me suis pris une grosse baffe. Mais mec, ça se fait pas, ça. C'est un truc de psycho. On n'embrasse pas les filles qui le veulent pas. Soit ça passe, soit ça casse. Non. Non, ça se fait pas. Voilà, merci. Oui, oui, je sais, mais bon, après, j'avais un peu vu, mais voilà. Je me souviens un peu de tout et. Je vois c'est le genre. Compliqué. Bon, et la prochaine, là, le week-end prochain, tu remets ça et tu y vas et tu nous chopes une meuf, ok? Ok. Allez, on croit en toi, mon pote. Pour vous. Allez, pour vous, je le fais. Allez, Kenzo, t'es notre champion. Allez. On t'embrasse. Bisous. Merci, moi aussi, bisous. Bisous à toi, Kenzo. À bientôt et j'aimerais faire un bisou à notre incroyable talent du soir qui est venu nous voir. Elle s'appelle Roxane, elle rappe, elle est hyper mignonne. Comment ça va, chérie? Ça va, ça va. T'es contente d'être là? Ouais. Alors, tu viens d'Amiens, toi, c'est ça? Ouais, à côté. Et t'as une chaîne YouTube qui marche plutôt pas mal. On a combien d'abonnés? Presque 14 200. Ça s'appelle comment? Roxane TV. Roxane TV. Tu nous feras une petite démo tout à l'heure? Ouais. Ok, cool. Tu restes 14 000, là. C'est vraiment bien. Roxane, elle va absolument dépasser les 15 000 ce soir et ce serait bien qu'on y arrive tous ensemble. Donc rejoignez-la, la Roxane TV sur YouTube. Elle a du talent, c'est notre invitée du soir. Elle est là, tu fais de la radio avec nous, tu interviens quand tu veux, ok? Merci beaucoup. Avec allez, plaisir. Restez avec nous, là, 01 42 48 5000. C'est le numéro gratuit pour nous appeler toute la soirée. Ça marche aussi avec le hashtag Le Night Show. Et dans quelques instants, on va faire un débrief géant d'Ibiza de tout ce qui s'est passé là-bas. Si vous voulez connaître les coulisses de tous les animateurs de Fun Radio, et bah bougez pas, on se retrouve juste après Hera et Strefi sur Fun. Nadie me era después, ya me duele. No sé yo te. Dónde está. Me voy por ti, veo. Te veo, me veo. Son un daño, creo. Son un bun, son un bun, son un bun, son un bun, bun. Bun, bun, ever since it's buns, bun, dun, dun. Bet you wanna taste it, bun, bun. Bet you wanna taste it, get it just a dun, dun, dun. Bun, bun, ever since it's buns, bun. Il est 22h12, on est encore là pour une semaine avec vous en direct avant les vacances. Et on revient donc d'Ibiza avec toute l'antenne de Fun Radio. Donc comme prévu, on va se faire un gros débrief parce que vous méritez de savoir ce qui se passe dans tout, cette équipe. Absolument tout. À commencer par l'histoire d'Anso, The Anso Gate. Puisqu'il faut qu'on vous raconte que jeudi soir à peine arrivé, Anso a décidé de nous quitter. C'est-à-dire qu'on se faisait une super soirée à l'Ushuaïa, hein, qui nous a accueillis là-bas et qui nous a mis bien, honnêtement, merci à eux. Et donc là, je sais pas, il devait être 22h. Non. Minuit. Parti vers minuit. Mais Anso, je la vois partir de la soirée. En mode, oui, je rentre à l'appart, à l'hôtel. Je dis, oui, c'est ça. Ouais. On y croit. Et le lendemain, Je la retrouve donc à l'émission de Bruno dans la radio, hein, qui était en direct sur le rooftop de l'Ushuaïa. Et là, la personne m'est défaite. Un déchet. Elle était blanche. Elle avait les cheveux en l'air. Elle avait une blessure de guerre sur le bras. C'était une catastrophe. Et donc, bah, raconte ce qui s'est passé cette nuit-là. On va mettre une photo de la blessure. Ouais. Ouais, mais ça commence un peu à s'estomper parce que je suis allée à la pharmacie quand même. Bon, voilà. Alors, rien que ce que j'ai fait, j'ai un de mes potes que je connais depuis, qui est depuis longtemps, qui était à Ibiza aussi. Qui est venu me chercher vers minuit. Et c'est un pote avec qui on s'aime beaucoup quand même. Ouais. Et voilà. Et donc il a décidé de me faire visiter le vieux Ibiza dans la nuit. Donc il m'a emmené en voiture, on était allé se balader. Très joli d'ailleurs, le vieux Ibiza. Ouais. Et il a eu la très bonne idée de m'emmener sur une crique qu'il connaît, mais qui est quand même remplie de sentiers, de glissades et tout ça, avec un escalier très glissant. Et il m'a dit fais attention à pas glisser. Et je suis glissée. Et je me suis éraflée tout l'intérieur de l'avant-bras droit. Et qu'est-ce qui s'est passé avec cette personne? Et ensuite, comme il avait un appart à Ibiza et que moi j'ai jamais vu des apparts à Ibiza. D'accord. Ouais. Et il avait un lit aussi, je crois, à Ibiza. Il avait un lit. Et t'avais jamais vu ce lit, hein? Et je l'ai bien vu du coup. Ouais. Et voilà, et donc je suis rentrée, je suis arrivée pile pour Bruno à 5h30 du mat sur le rooftop de l'Ushuaïa. C'était bien sympa. C'était hyper cool. Très bonne soirée, très cool. Voilà. Genre on l'embrasse. Personne. Ouais. Et donc, deuxième dose, Amir des réseaux sociaux. Amir, ça s'est passé vendredi. Ouais. Amir, il faut savoir qu'il ne boit jamais, c'est quelqu'un qui ne tient pas l'alcool, il n'a pas l'habitude, donc voilà, il avait dû boire la dernière fois, ça devait être il y a 6 mois quoi. Ouais. Mais plus, dire, largement plus. Il faut dire que dans le verre qu'il a bu, il ne savait pas qu'il y avait de l'alcool dedans. Certes, sauf que le gars a bu 2 verres, donc 2 verres c'est quand même raisonnable. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, ne le faites pas évidemment, à consommer avec modération, mais la personne sur 5 heures de soirée a bu 2 verres, ce qui était beaucoup trop pour lui, puisque il était complètement fait, et surtout... Il a vomi. Il a vomi. Il a repeint les toilettes de l'Ushuaïa en toute discrétion. Mais il a vomi avec tous les encouragements de l'équipe de radio. C'est le seul qui a vomi, hein, de tout le week-end. Et donc, bravo Amir pour cette performance. Merci. Hein. Ouais. Merci. Puis je remercie aussi les gens qui étaient avec moi dans les toilettes à ce moment-là. Parce qu'on a partagé un bon moment. Et on est d'accord, tu ne rebois plus. Non, moi c'est fini. Mais l'alcool, c'est pas fait pour moi. Et faites pareil. Ouais, non, mais c'est clairement pas fait pour toi. En plus, t'as manqué des super moments, t'as manqué, franchement. Ah, mais t'as tout gâché. Faites comme ça, hein. Il y a des hauts, des bas. Voilà. Franchement, c'était pas cool. On a d'autres doses, hein. En tout cas, on va faire ça en fil rouge un peu sur tout au long de la soirée. On va parler d'Ibiza comme ça et balancer des dossiers. Ouais, il faut qu'on vous raconte le mix de Tiny Tampa. Franchement, c'était tellement lourd. C'était juste génial. On va en parler avec vous, de toute façon, toute la soirée là. 01 42 48 5000 si vous voulez nous appeler. Et puis, on voulait parler avec vous de ce qui allait vous manquer le plus à l'école. C'est vrai qu'il y a plein de trucs qui vont nous manquer. C'est vrai que c'est relou, mais en vrai, il y a des trucs qui font. Ouais, j'ai les trucs. Eh ben, écoute, ça tombe bien. Nous aussi, appelez-nous 01 42 48 5000. On vient tout de suite. The radio of Kygo is fun radio. Aujourd'hui, vous les entendez partout. La première fois, c'était sur Fun Radio. Martin Garrix. Imani. Era Istrefi. La radio où démarrent tous vos tubes préférés. C'est Fun Radio. Le son Dance Floor. Avec Oasis et Orangina, c'est la Quick Cup dans les restaurants Quick. Repars avec un ballon de foot pour seulement 5€ à l'achat d'un menu XL. Beat Quick, un goût de légende. Cup égale coupe. Offre valable du 30 mai au 11 juillet 2016. Liste des restaurants participants sur quick.fr. Pour votre santé, bougez plus. Salut à tous, c'est Bob Sinclair. Dans la vie, j'ai deux passions, la musique et les franges. C'est pour ça que j'écoute Marion et Anso, le Night Show, sur Fun Radio. Big up, Bob. Tu reviens quand tu veux dans cette émission. Évidemment, t'es le bienvenu. La radio des DJ, c'est Fun Radio. Voilà, bisous, Bobby. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Hein. Début de saison, il était venu. Ouais. Mais il a fait Bruno il n'y a pas longtemps. Ouais, et puis il a fait une énorme teuf à Marseille, plage Borély. C'était jeudi soir. C'était un truc de ouf. Ouais, ouais. Oh, putain, mais on sacré était partout. Bob. Bah ouais. On voulait parler avec vous de tous les trucs qui allaient vous manquer après le bahut, parce que même si c'est un énorme soulagement d'être en vacances, là, je sais que les examens sont terminés, vous attendez tous les résultats. Ah oui. Il y a quand même des trucs qui nous manquent à chaque fois, et c'est Topito qui ont sorti le top 10. Ouais. Je vous le fais maintenant? Allez, vas-y. Les cours de PS, ça manque. N'importe quoi. Ah bah si, c'était les cours, c'était la récré, ces cours-là. Ah non, mais pas du tout. Alors, attends, tu parles de la récré quand c'était les cours d'endurance? C'était horrible. Ouais, bah parle pour toi. La sonnerie qui annonce la fin des cours, ça on est d'accord. Ouais, grave. La cantine, ça dépend des fois. Hein. Ouais, mais quand il y a des râpes de frites, on aime bien. Le CDI, alors pas pour y réviser, juste pour rien foutre. J'adorais le CDI. Ou alors quand il faisait froid. La récré, la fin de l'année dans les classes à base de Coca Lidl, 4 quarts Franprix, tout ça, tu te rappelles quand on s'est dégoûté? Ouais, c'est vrai. Allez, stylé. Est-ce que vous prenez aussi les marques Pousse, là, les trucs pas chers? Non, Amir. C'est quoi cette marque? Je sais pas. Bah, c'est des gens comme moi qui, quand j'étais au bahut, j'avais pas de thunes. Marque Pousse. Oui, mais marque Pousse, je connais. Mais c'est les marques repères, là. Ah oui, bah oui, ça je connais. Oh là là. Les potes, évidemment, ça manque. Ouais. Même si tu peux les voir l'été quand même. Les pions. Il y en avait toujours un qui voulait pécho les élèves, un qui faisait des vannes, un qui était marrant. Non, pas moi. Mais... Ah si, quand même. Le carnet de correspondance avec des mots improbables des profs, les absences, tout ça. Ça, ça manque. Ouais, c'est vrai. Et la fête de fin d'année. Ah ouais. Bon, même si globalement, il n'y avait qu'aux États-Unis où c'était classe et que ça niquait à la fin, parce que chez nous, il ne se passe rien. Mais c'est clair, moi, j'avais pas de fête de fin d'année. Bah, moi, nous, on brûlait les carnets de correspondance. Ah bah, c'est un bel exemple. Merci Amir, en tout cas, hein, pour tout cet élan vers la jeunesse. Hein. Rexane, notre incroyable talent de ce soir, est-ce qu'il y a un truc qui va te manquer à l'école, toi? Les amis. Bah oui, les potos, mais tu vas les revoir cet été. Ouais. Un peu? Ouais. Tu fais quoi d'ailleurs cet été, toi? Tu pars où? Dans le Var. Pas sympa. Mal. Où ça dans le Var? Pas mal. Il y a quoi là-bas? Parce que je connais pas. Bah, le Var, Toulon, tout ça, le sud, quoi. Je connais bien le Var là-bas. Je vais aux Isambres. Sambres? Aux Isambres. Aux Isambres, qu'est-ce que c'est? Où c'est? C'est à côté de Saint-Tropez. Ah, pas mal. Excuse-moi. Je refuse rien. Ok, on y croit, pas de soucis. Ça paye YouTube, hein, t'inquiète. T'es content. Non, bon, non. 01 42 48 5000, venez nous dire ce qui va vous manquer, vous, à l'école. Il y a Jonathan là qui est avec nous. Bonsoir, Jonathan. Salut. Ça salut va, John. Marion, salut, Anso. Salut, toute l'équipe. Oh, salut, Joe. Hello. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Ouais, bon anniversaire, Marion, en retard. Ah oui, c'est vrai que c'était jeudi dernier, mais merci, je prends quand même. Ok. Et bah moi, le truc qui va le plus me manquer pendant les vacances, c'est la musique pendant la récré que je pouvais faire. Pendant la cantine, pizza tous les mercredis, et le jeudi, une semaine sur deux, hamburger frites. Ouais. Le foyer qui était quand même bien, la cafétéria. D'accord, mais Jonathan, explique-nous quand même, parce que tu faisais de la musique pendant la récré. C'est-à-dire que tu venais avec un orchestre? Non, c'est pas ça. C'est que bah, ils ont eu l'idée en fait de mettre une salle de musique avec des guitares, des batteries, des trucs dans le genre, et les musiciens peuvent y jouer. Là, c'est hyper frais, ça. Oh. Et à la fin de l'année, on a fait le nom de notre lycée, Incroyable Talent. En référence à nous? Ouais, c'est bien. Ouais, et on a fait, c'est passé dans le journal du Monde, des trucs dans le genre. Oh, beau gosse. T'as parlé de nous un peu? Ouais, d'accord, j'ai compris. Je me marre parce que Marie le fait. En référence à nous, mais il y a M6 aussi qui avait créé une émission qui était très connue, donc c'était peut-être plus pour M6. Ah ouais, peut-être, ouais. Ah ouais, tu parlais de l'émission d'M6? Non. Bah voilà, tu vois, d'accord. Non, mais ça me fait rire en mode boulard, quoi. Toujours être optimiste. Ah, grâce à nous. Ok, bah c'est cool en tout cas si c'est passé à la télé, tout ça, c'est sympathique. Et ouais, il y a aussi les batailles d'M&M's que notre prof d'histoire nous faisait faire à la fin de l'année. Mais c'est qu'est-ce que c'est que le bahut? Bah c'est un bahut de ouf, tout simplement. Le bahut du kiff. C'est clair. Bon bah top, hein. Mais ouais, le truc aussi qui va le plus me manquer, c'est ma CPE. Oh, elle était trop bonne. Ah, ouais. On est sur la ligne quand même. Attends, ouais, t'as 15 piges quand même, on sait calme. C'est normal de penser comme ça aussi à 15 ans. Mais tu vas pas la revoir l'année prochaine? Bah non, je change de lycée. Certes. Ah, ouais. Ouais, c'est un point. Bête. Et bah, il y en aura peut-être une hyper kiffante là-bas aussi. Bah, bon courage pour la suite. Hein. Bah, j'espère que mes potes ils seront quand même sympas. Bah, on espère aussi, Bichon. Y a pas de raison, Jonathan. On t'embrasse en tout cas, merci de nous avoir appelés. Ok, merci. Bisous. Une dédicace aussi à mon parrain. Ouais. Et à vous aussi. Big up. À toutes les personnes que je connais du Mans, et puis bah, bisous tout le monde. Bah, merci à toi. Bisous à toi, Jonathan. À bientôt. Il y a Tina de l'île d'Abo qui est avec nous aussi. Bonsoir, Tina. Salut Marion, salut Anso. Ça va? Salut. Oui, à vous? Oui, très bien, ma belle. Dis-nous, qu'est-ce qui va te manquer, toi? Moi, ça va être les cours de PS, en fait. Hein? Ah, pourquoi? Toi aussi? Parce qu'en fait, on a en fait un peu la pire classe du collège et en fait, on a le meilleur prof de sport. Ouais. Et c'est vraiment une victime, le pauvre. Non, c'est pas bien, il faut pas le bisuter. Mais pourquoi? Victime parce qu'il est gentil ou parce que vous c'est la merde? Bah, en fait, il est gentil, mais en fait, il a pas d'autorité, en fait. Et quand il essaie de gronder un élève, tout le monde rigole, enfin, c'est n'importe quoi. Ouais. D'accord. Il est jeune? Non, il a 60 ans ou 50 ans. Oh, le pauvre. Ah bah, il a fini sa carrière. Peut-être 50 ans, parce que 60... Bon, mais enfin, il faut le respecter. Bah oui. Oui, le pauvre. Hein. Ouais. Rien à foutre. Bah, oui, le pauvre. L'année est passée, donc maintenant... D'accord. Et t'étais bonne en EPS, sinon? Bof. Bof. Bon, eh ben écoute, l'année prochaine, de toute façon, il y a toujours des cours de PS, donc normalement, tout va bien. Ouais. Bon, t'embrasse, Tina. Merci de nous avoir appelé. Bisous. Bisous. Bisous. Il y a Pierre-Antoine aussi. Figurez-vous que Pierre-Antoine nous appelle de Lyon. Ah bon ? Bien jolie ville, Lyon. Bonsoir, PA. Salut. Salut, ça va l'équipe ? Ça va et toi ? Pierre-Antoine. Ouais, ça va, ça va. Est-ce que t'étais au match de la France cet après-midi à Lyon ? Eh ben non, parce que là, je suis en vacances chez mon père. D'accord. Donc, dans le bar. Et bah, et on en profite quand même pour féliciter les Bleus parce que j'ai eu peur, ouais, j'ai eu chaud, j'ai eu mal au ventre. Bah ouais, ils ont pris un but, mais après ils se sont bien rattrapés. Deuxième mi-temps, on en parlera tout à l'heure de toute façon avec vous là si vous voulez parler du match 0-1 42 48 5000. Ouais. Et on a fait un petit truc aussi, ouais. On vous diffusera rapport aux supporters et tout. Mais ouais, cool en tout cas, bravo les Bleus. Et j'ai d'ailleurs envie de dédicacer cette émission à Griezmann. Ah ouais. Grisou, nous t'aimons. Arrête avec ta gueule avec tes On t'aime, Grigri. Bon, Pierre-Antoine, qu'est-ce qui va te manquer le plus à l'école? Alors moi, ça va être les cours de mon prof de techno. En fait, il faisait pas de cours, donc il y avait pas de cours. Du coup, on avait la baffle dans la salle de classe et on écoute de la musique à fond dans la salle de classe et le prof n'essaye même pas de nous gronder. Ah, la baffle, donc, l'enceinte. Ah ouais, l'enceinte. Ah, à fond. Ouais. Mais les cours de techno, moi aussi, c'était la récré, quoi. Je suis rien, rien du tout. Enfin, ouais, voilà. Bah, ça sert si t'as envie de faire plus tard des trucs en rapport avec la technologie. Non, <ouais. rire> Parce que si tu veux faire des trucs genre comme nous, alors moi. Et vous faisiez pas ça vous? Moi je faisais des boules d'étain là, tu sais, quand tu faisais de la soudure. Ils te donnaient des fils d'étain. Ah oui. Et tu faisais des boules après toi aussi, ouais, tu faisais ça. Ça faisait, pas, non, mais ça faisait non, des, non. Des gouttes d'eau de toute façon. Ça faisait des gouttes d'étain comme ça. Après ouais. Ça servait à rien. Bah mais c'était non, hyper bien. Ouais. On fait rien. Ils nous donnent des tests, on écrit des fiches. Et pendant qu'on écrit des fiches, il y, mais... y a la musique à fond et tout sur le. Pierre... Non mais Pierre-Antoine, t'as bien construit quelque chose. Moi j'avais fait un truc pour allumer là un boîtier, non ? Un boîtier, un boîtier pour allumer les. Le vélo. Ouais. Non, on a rien fait du tout. Mais je vous jure. Ouais. On a rien fait, on a écouté de la musique toute l'année. Il est dynamique, hein. Ouais, ouais, il est dynamique et il est très remonté contre la techno. Bon bah si ça va pas te manquer, profite bien de cet été, repose-toi et puis l'année prochaine techno de nouveau. On t'embrasse, Pierre-Antoine. Ouais. Oui, vas-y. Bah, je fais une dédicace à mon père qui m'écoute dans le salon et à tous mes potes qui m'écoutent là. Ah, bisous, okay. Papa. Voilà. Bisous, papa. Bisous, papa. Bisous, ciao. Bisous. Il ouais. y a du monde qui est venu nous voir ce soir dans le studio. Il y a Nina et Maëva, les filles. Est-ce qu'il y en a une de vous deux là qui a un truc qui va lui manquer au bahut ou pas? Approchez-vous. Venez, Nina. Dis-moi. Nina n'a pas, Asta. Ouais, moi ma prof de français parce que genre je la kiffais trop et elle va trop me manquer. Ah, oh. Ça c'est gentil, c'est beurre. Et toi, Bichette, Maëva. Il y a mon crush. Ah, ah bah raconte. Il est dans ta classe? Non, il est en terminale. Oula, c'est un vieux, t'es en quelle classe toi? Le bac. T'es en quoi toi? Je passe en première. Tu passes en première, ah, d'accord. Et qu'il est pas l'année prochaine quoi. Mais attends, est-ce qu'il sait que tu le kiffes? Non. Ah, il sait pas. Comment il s'appelle? Nicolas. Bah, Nicolas. Nicolas. Bah, Nicolas. Et c'est quoi le bahut? Bah, elle va peut-être le dire. Ah si, elle le dit. Le bahut, c'est quoi? Lycée Paul Duet. Bah voilà, Nicolas, terminale, lycée Paul Duet. Et non mais attends, Bichette, faut y aller là, faut foncer, pourquoi te. Bah, sinon, on l'appelle, hein. Hein? Il a une copine. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, sale histoire. Oh, eh, ça n'a jamais arrêté Anso. C'est pas vrai, ça, en plus. C'est faux, ça, c'est faux. À une autre époque, Marion aurait pu t'aider, mais c'est fini. Ouais, là, c'est terminé, tout ça. Hein. C'est fini. Bon, on essaiera de t'aider quand même, un de ces quatre. Quand tu seras célibataire. Il y a Théo aussi de Paris qui est avec nous. Bonsoir, Théo. Salut, Tété. Salut, Marion, c'est Anso. Est-ce qu'on est content d'être là? On est content d'être là. Aïe, aïe, aïe. Alors, Théo, dis-nous. Alors, en fait, moi, ce que j'adore, c'était. Ce que j'adorais. Pendant mes années scolaires, c'était d'avoir des heures de colle. Ça, j'ai kiffé. T'es chelou, toi. Ouais, t'es vraiment chelou. Des heures de colle. Mais pourquoi t'as kiffé? Je sais pas. C'est parce qu'il y a un peu de domination. C'est assez. Je trouve ça assez bien. Un peu de domination, mais mec, il est déjà SM à l'école, lui. Et comment ça? Bah, je sais pas. Je trouve qu'il y a un côté domination de la part du prof de te mettre une heure de colle. D'accord. T'es bizarre. Tu aimes souffrir, quoi. Ouais, voilà. Mais genre, du coup, c'est quoi ton palmarès, la Théo? Combien d'heures de colle dans l'année, là? Une vingtaine. Ah ouais, et t'en es fier? De quoi? T'en es fier? Non, mais j'aimais bien avoir des heures d'école quand même, je sais pas, parce que je me tapais des barres pendant les heures de colle avec mes potes, enfin, voilà quoi. Pendant les heures de colle, en fait, on bossait pas, on foutait le bordel. Eh ben, bien bel exemple encore. C'est pas fait pour ça, bichon, normalement. C'est fait pour justement que tu réfléchisses à tes conneries et que tu bosses un peu. Donc l'année prochaine, on se marre plus avec les poteaux, on bosse. Et on se sort les doigts du lionf. Ok? Et Marion? Oui. Ouais, en fait, félicitations là pour ta vidéo YouTube. Merci Bichon, ça t'a plu? Ouais, franchement, top, recommence. T'es un amour. Alors sachez que nous recevrons Marion, la youtubeuse, dans un instant sur Fun Radio. Et que si vous avez des questions à lui poser, bah 01 42 48 5000. Hâte de la voir. T'es con toi. Oui. Allô? Oui. Et aussi, je voudrais souhaiter un bon anniversaire à Amir. 3 mois en retard, mais au moins ça s'est dit. Amir le chanteur. Amir l'animateur. Amir, il a dit trois mois en retard, mais c'est fait quand même. Ah d'accord, bah, écoute. Le chanteur, c'était la semaine dernière. Bah oui, c'est pour ça, je me suis dit peut-être. Ouais. Et bah bon anniversaire Amir en retard. Effectivement. Bah merci mon pote, t'es un amour. On t'embrasse Théo. Ouais, bisous. Bisous. Bisous à toi. C'est mignon. Je repense à l'histoire de Maëva qui est venue nous voir ce soir. C'est vrai que je me rappelle quand je partais en vacances, tous les mecs que je kiffais, je me disais putain, ils vont me manquer. Mais tu disais pas justement, moi je me disais autre chose. Je me disais, tous les mecs que je kiffe, ils le savent pas, donc je leur disais tous. À toi, tu te jetais comme ça dans la fosse. Quoi. J'allais voir en disant, bon bah voilà, je t'aimais bien au courant de l'année, même ceux que j'aimais plus. T'sais. Et à chaque fois, ils disaient quoi? Eh bien, nous étions sur un vent, l'histoire de ma vie. Oh. Est-ce que si on était petit, tu m'aurais dragué en vacances? Non, je crois pas. Ok, d'accord. En fait, je crois que j'aurais eu peur de tes sourcils, mec. Mais quand j'étais plus jeune, ils étaient pas aussi gros. Hein. Non, c'est vrai. C'est vrai en plus. Ah ouais, ils ont pris de l'ampleur avec l'âge. Ah bon? Mais faut que tu nous amènes une photo de toi quand t'étais petit. Ouais, j'en ai dans mon téléphone. Et je vous conseille d'ailleurs, vous auditeurs de fans, si vous avez pas vu le nouveau filtre Snap. Oui, un délire avec des sourcils d'amis. C'est les mêmes. Ouais, c'est le Snap BD là. Ah ouais, je trouve que c'est une angoisse ce filtre d'ailleurs. Hein. Ouais, je crois qu'il a été fait pour Amir. Hein. Exactement. Mais je l'ai fait d'ailleurs et ça fait des gros sourcils. Bon, Amir, je te propose d'aller au platine. 01 42 48 5000 pour nous appeler, puisque Amir et moi allons faire un truc dans un instant. Ouais, Amir a dû préparer un mix bien ringard. Anso va être la MC bien ringarde aussi. Il va y avoir de la voix de foraine dans tous les sens. Ça va être super sympa. Et ça, ce sera juste après Môme Aloha sur Fun Radio. Bougez pas. C'est Marion et Anso et on se marre ce soir. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard he's grooved. Cosmic love gave you something gold. 22h32, c'est Marion et Enzo, et cet après-midi, les Bleus ont gagné leur huitième de finale face à l'Irlande 2-1. Ça a été compliqué, on a eu peur, on a eu chaud, mais deuxième mi-temps de ouf, hein, clairement. Des occasions, du Griezmann qui marque, le doublé. Ouais. Oh là là. Mais c'était énorme, d'ailleurs, je l'ai pas vu venir, le deuxième but de Griezmann, il est arrivé à fond, quoi. Et le troisième, quasiment, avec pas le pénalty, mais le carton rouge, là, on était à deux doigts du triplé. Enfin bref, c'était un beau match. Et nous, du coup, on a été... faire la rencontre de supporters irlandais, parce que vous le savez, ils sont réputés pour être hyper festifs, ils chantent, ils ont des chants de ouf. Franchement, ils sont très bons délire, les Irlandais du Nord. Grave. Du coup, on a récupéré 2-3 supporters cet après-midi, directement après le match. On a fait de la petite vidéo avec eux, on va vous la balancer là sur les réseaux sociaux, Marion et Anso, le Twitter et le Facebook. Écoutez, ça donne à peu près ça. Je les adore. Bon, ils boivent un peu les Irlandais, on va pas se mytho. Ouais, mais ils sont tellement bons délire. Mais ils sont tellement bons délire, merci à eux, franchement, ils ont mis une ambiance de ouf. Allez mater la vidéo, il y a du Enzo qui fait n'importe quoi, il y a de l'Irlandais, il y a du supporter, enfin bref, c'est sympathique. Tous les soirs, 22h minuit, Marion et Enzo, le Night Show sur Fun Radio. Alors les copains, si vous nous rejoignez là ce soir, vous êtes donc dans le Night Show, c'est Marion et Enzo. Et jeudi, on avait donné une mission à Amir des réseaux sociaux et Enzo, la blonde de l'équipe. Ouais. Vu qu'on est parti à Ibiza, bon bah ville des DJ, ville de la fête, j'avais envie qu'il prépare un petit mix tous les deux. Donc Amir a dû sélectionner des titres, il va mixer en live là dans les platines du studio, on va tout vous filmer pour la chaîne YouTube Marion et Enzo. Bien sûr. Et Enzo, elle, va faire la MC, elle va ambiancer la foule, le studio. Ouais, ambiance un peu faite foraine quoi. Voilà, avec sa voix bien ringarde, elle a préparé un texte, ils sont prêts, ils sont au taquet. Okay. Écoutez ce que ça donne les amis, je pense qu'on va être sur un moment de gêne absolue. C'est parti, ton mix Amir. Allez, attention. Bonsoir à tous et bienvenue. Ambiance de folie ce soir. DJ Sourcil aux platines, ça va ma caille? Ouais, ça va super et toi? Ouais, ça va très bien, on commence avec un son qui flaire bon et bizarre. C'est Undo Stress. C'est moderne hein. Ouais. Oh, c'est le feu ça ce soir hein. Ouais. Un son qui sent bon la paella, croyez-moi. On est le soir, c'est la night. Un son à pas piquer des hannetons. C'est qui? C'est Yannick. Oh la tête qu'elle fait. Oh là là. Et elle dansant. C'est pas possible, Enzo. Hein. Hey DJ. J'adore ce titre, moi. Ceux qui sont dans la vibe. Lève le bras. Que toutes celles qui sont dans la vibe. Lève le doigt. Que ceux qui sont assis seuls. Ne levez pas, vous êtes sur Fun Radio. Buenas noches, les Gezous. La température est toujours à son maximum, pas vrai, pas vrai? Ouais. Je t'entends pas, studio. Ouais. Vous aimez le cuir? Ouais. Vous aimez les moustaches? Les Indiens du Buffalo? Les Village People sont là pour vous faire bouger votre popotin. Non, c'est pas possible ce titre, les gars. Oh mon dieu, vas-y, danse, DJ. Ouais, attention, c'est parti, les yeux. Ah oui. Et elle danse. Et elle bouge son boule. Et on y va. Allez, Enzo. Hey. Ah, j'adore. Les potards sont au maximum, l'ambiance est chaude, les bien filles sont bouillies. Hé hé hé. Et Macarena. Oh le mix à deux balles. Oh mec, oh, c'est tellement nul. Putain mais y'a rien mais... Attention, on me fait signe que le propriétaire de la 206 HDI immatriculé dans le Gers est prêt de déplacer son véhicule, merci. Oh le cliché. Attention, on se tient par les hanches. On tient Amir par les sourcils. Ouais. Poil au truc qui rime avec cils. Ouais. Coin coin c'est quoi? Coin coin c'est qui? C'est la danse des canards. Aïe. Il n'y a pas un titre qui fend. Et elle fait la danse des canards, hein, évidemment. Hein. On est sur une canarde. Coin, coin. Anso, non, c'est pas possible cette tête. Un son qui sent le soleil, le thé à la menthe et la babouche. C'est le mix spécial de DJ Sourcil. Bien sûr. Allez, on se retire les phalanges du sphincter et on danse. Non, c'est pas possible. Fiché, quoi. Ça sent le thé à la menthe, elle a dit. T'as les épaules qui bougent? Ah bah j'ai rien qui bouge du tout là. Raconte DJ, c'est pas très bien calé. Attends, attends, attends. Regarde. Attention, c'est parti. Ah oui. Si vous nous rejoignez, on est sur Fun Radio évidemment, tout va bien. C'est tout pour moi ce soir. C'est je vous embrasse les petits loups. Allez. Ah bravo. À bientôt. Bisous DJ Sourcil. À bientôt. Salut amigo. Bravo. Ouais. Alors, franchement, j'ai envie de dire Anso, bravo. T'as pas crocheté, t'as tout donné, tes textes étaient précis, calés, t'as ambiancé d'une manière ringarde. Franchement, c'était cool. Merci beaucoup. Mets-toi ton mix, bichon. Mais c'était de la merde. Mais il y avait rien. Bon, alors, je suis encore disponible pour des bookings, hein, si vous voulez. Non, mais le mec, il a enchaîné. Non, mais alors, juste, explique deux, trois trucs, Marion, parce que je mixe aussi. Et c'est impossible, à un moment donné, de mixer la danse des canards avec YMCA. Ah, mais t'as choisi tes titres, excuse-moi. J'ai choisi mes titres, mais j'avais des contraintes, parce que je respecte mes auditeurs, ok? D'accord. Et bah à un moment donné, ça ne se matche pas, ça rentre pas dedans, quoi. Juste les mettre au refrain, moi. Bah ouais, les caler, quoi. Le petit mec là-bas, là. T'as raison, en plus. Hein. C'est marrant, Amir, mais y a Ibiza, ça a pas du tout. Ça t'a pas fait du bien, quoi. Non. C'est ça. Je reprends ma place. Hein. Ouais, reprends ta place, ouais, bichon. Bon, bravo, en tout cas, c'était bien. Dites-nous ce que vous en avez pensé, là, sur les réseaux sociaux, Marion et Anso. On a tout filmé pour la chaîne YouTube. Je pense que quand vous allez voir Anso danser et donner de sa personne, vous allez kiffer. On est sur quelque chose de ridicule, quoi. Ah, complètement. Bon, restez avec nous, puisque dans un instant sur Fun Radio, qui arrive, et bien c'est Marion la youtubeuse, Marion mon acolyte, mon double, mon ami, non, Marion la youtubeuse qui va nous parler de sa chaîne YouTube qu'elle vient juste de lancer, Marion Facecam. 01 42 48 5000, on fait de la radio ensemble juste après Calvin Harris et Rihanna sur Fun Radio. Découvert ici, ça encore, hein. This is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at bienvenue à tous les nouveaux auditeurs qui viennent de nous rejoindre là sur Fun Radio. C'est Marion et Anso. On est en direct avec vous jusqu'à minuit. J'ai la voix un peu pétée parce qu'on a beaucoup fait la fête à Ibiza avec toute l'équipe de Fun Radio ce week-end. Et, ouais. Et c'est maintenant le moment. Bah c'est un peu le moment que j'attendais depuis le début de cette émission, depuis le début de ma carrière, je crois. Parce que ce soir, comme franchement, Marion et Anso, Night Show, vous l'a prouvé à de nombreuses reprises, c'est l'émission qui reçoit le plus de youtubeurs. Ouais, les plus kiffants. Donc forcément, là-dessus, ouais. Marion, qui est avec moi, le Marion de Marion et Anso, lance sa chaîne YouTube, l'a lancée depuis hier. Oui. Voilà. Ça s'appelle Marion Facecam. Et donc ce soir, Marion est notre invitée dans le Night Show. On l'accueille, l'équipe. Ouais. Marion, ça fait son petit effet quand même. Par contre, il n'y a pas de jingle pour moi, genre Marion ouvre le Night Show, tout ça. Écoute, t'en mal pas, on a dit oui déjà. Ouais, oui, c'est vrai. On n'a pas eu tout à fait le temps, quoi. Alors, bonsoir, Marion, Anso. Bonsoir. Salut. Bonsoir. Bienvenue dans le Night Show. Tu connaissais l'émission ? Alors, je suis hyper contente parce que je vous écoute super souvent et franchement, c'est un kiff pour moi d'être ici. J'adore votre équipe. Et du coup, tu nous as découvert comment ? Par YouTube, j'imagine. Bah ouais, par 2-3 potos youtubeurs, tu vois, 2-3 soirées YouTube. Comme ça, j'ai entendu le bouche à oreille, quoi. Alors, sans déconner, Marion, tu as lancé ta chaîne YouTube hier, Marion Facecam. Oui. Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Comment ? Raconte-nous. Ah bah écoute, ça fait longtemps que je voulais faire ça, sérieusement. En plus, ça fait quelques mois que je suis dessus. J'ai longtemps réfléchi à ce que j'avais envie de faire. Alors clairement, juste pour faire taire directement les mauvais commentaires, tout ça, c'est pas du tout pour l'argent. Honnêtement, c'est pour me faire kiffer moi, pour faire d'autres trucs. Je suis une passionnée de YouTube, tu le sais. On reçoit des YouTubeurs pour ça aussi. J'adore cet univers et j'avais envie de me lancer. Du coup, j'ai longtemps réfléchi avec des potes, avec mon frère, avec tout le monde. Et on a décidé de lancer cette chaîne YouTube qui va donc être sur les histoires de couple, en fait. C'est vraiment un délire où on va traiter... tous les délires de couple de la manière la plus gaulerie qui soit, de manière un peu 2.0. C'est un peu le un gars, une fille, nouvelle génération. Tu vois, à l'époque, il y avait carrément. Ça avec Dujardin et Alexandra Lamy. Bah là, j'ai envie de faire ça sur YouTube avec un mélange de facecam et de délire. Donc, l'idée, c'est de me faire marrer, de vous faire marrer. Après, ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. Donc, une chaîne YouTube sur les couples, quelque chose donc que je n'aurais jamais pu faire. Mais il y a des trucs qui vont te parler, tu verras. Ah, merci, c'est gentil. Oui. En tout cas, je vous invite à aller voir la première vidéo de Marion sur sa chaîne YouTube parce que rien que pour la voir en Lara Croft. Ça vaut le coup, la meuf est canon. Bah, c'est vrai que j'ai donné de ma personne, je me suis déguisée tout ça, donc ça me ferait plaisir qu'au moins vous alliez mater. Après, moi, je prends vraiment toutes les critiques, tous les avis, je lis tout le monde. Et j'adore que vous soyez impliqués comme ça et je vous écoute pour les prochaines vidéos, il n'y a pas de souci. Et alors, on a combien de followers là ? Ça se dit pas followers, d'abonnés peut-être. Hein. Ouais. Je sais pas, Amir, t'as regardé ? Ouais, j'ai regardé, là, on est à quasiment 3000. Voilà, 3000 depuis hier. En à peine 24 heures, c'est cool, c'est bien, un beau démarrage. Oui, en plus, merci parce que je suis à quasiment 30 000 vues sur la première vidéo et franchement, c'est sympa, ça me fait vraiment plaisir. Bon, alors Marion, sache que nous avons des questions pour toi. Non. Beaucoup d'auditeurs nous ont fait 42, 48, 5000. Ah bah attends, mais entre soi, comme une youtubeuse à part entière. Hein. D'accord. Et il y a Clémence de Nancy avec nous. Bonsoir Clémence. Salut Anso, salut toute l'équipe et salut Marion Facecam. Salut Clémence. Ah, j'adore. Je t'écoute. Alors, moi je voulais savoir si tu voulais faire comme beaucoup de youtubeuses beauté, tout ce qui est des tutos, des DIY, des swaps, ou si ça allait être surtout sur les couples. Ah ouais, non, voilà, rien à voir. Moi je fais ce que j'ai envie de faire et ce que je sais faire surtout, parce que moi c'est pas du tout mon univers, la beauté, les tutos, tout ça. Je m'y intéresse un petit peu, mais je suis pas spécialiste, hein, donc je vais pas me lancer là-dedans. Et alors attends, est-ce que Clémence, peut-être que tu partageras cette question avec moi, mais à quand le premier FAQ, quoi ? Je sais pas non plus. Moi tout ce que je veux, c'est faire mes vidéos avec Najim, qui joue donc mon mec dedans, et puis on verra comment ça évoluera, mais non, pas de tuto, pas de beauté, pas de DIY, tout ça. Voilà Clémence. Okay. En tout cas, je suis hyper fière de toi, ta chaîne elle marche grave bien et continue, c'est grave cool. T'es trop mignonne, merci beaucoup. Clémence, est-ce que tu veux qu'on t'envoie une dédicace de Marion? Ah bah oui, pas de soucis. Et bien alors, tous ceux qui appellent, ne vous inquiétez pas, vous aurez tous des dédicaces de Marion. Trop cool. C'est trop bizarre. Je t'embrasse, merci beaucoup d'avoir regardé. Est-ce que je peux passer une dédicace? Bien sûr. Alors, je fais une dédicace à Maya, à Marie et à Laura. Ok, on t'embrasse. Bisous Clémence. Merci, gros bisous, je vous aime. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio. Marion Facecam, reste avec nous. De toute façon, comme je dis à tous les invités, tu es séquestré. Ouais. 01 42 48 5000 pour poser vos questions, bien sûr. Et moi, j'ai des questions à lui poser. Ah oui. Parce qu'on pose pas les questions qu'on veut à chaque fois à YouTubeur, c'est vrai. Ouais. Et du coup, là, zéro filtre. Je vais te poser des questions. Attention, faudra y répondre. Oh bah, tu peux, je gagne rien du tout comme thune pour l'instant. Ah, c'est la question. Ah, voilà, si vous voulez rester et vivre avec nous un moment gênant, eh bien ne bougez pas. C'est Marion et Anso, Night Show jusqu'à minuit.

juste on est content d'être là. On est content d'être là. Alors oui, Marion, si tu connais pas, c'est une gimmick qu'on a dans l'émission depuis le début de l'année. Ah bah c'est sympa. Voilà, j'essaierai de le faire. C'est juste pour te dire. D'accord. Alors Damien, vas-y, pose ta question à Marion, elle t'écoute. Bah déjà, mais bonjour Marion FaceTime. Bonjour. C'est dur à dire, je te comprends. Ouais. Bon, bah, j'aime bien tes vidéos en fait. Et j'ai une question pour toi. Dis-moi. Est-ce que tu vas faire des vidéos avec d'autres youtubeurs comme Squeezie, Cyprien et tout? Squeezie, Cyprien, franchement, je pense pas qu'il serait chaud pour faire des vidéos avec moi. Honnêtement, je sais pas du tout. En tout cas, des guests, oui. J'ai bien l'intention d'inviter des copains youtubeurs. Pas tout de suite, tu sais, ça prend du temps, tout ça et tout. Mais dès que j'en aurai l'occasion, ouais. Par contre, le concept restera le même. Je vais pas changer le concept de la chaîne, sera toujours sur les délires de couple. Mais oui, avec des guests, des apparitions, des trucs marrants. Marion, j'ai aussi vu que tu co-animais une émission le soir sur Fun Radio qui s'appelle Marion et Anso. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as décidé un jour d'inviter cette Anso qui a l'air formidable? Écoute, le jour où elle ouvre sa chaîne sur les relations de couple, c'est-à-dire jamais, je l'inviterai. Je vais voir sur les relations de cul, moi, ça te boucle. Ça marcherait. Anso restera toujours célibataire. Exactement. Beau message d'espoir, en tout cas. Damien, est-ce que tu avais une autre question ou pas? Oui, Marion. Oui, dis-moi. J'ai vu ton commentaire, tu m'as mis « C'est moi qui t'adore gaming, en fait. » C'est toi qui quoi? C'est moi qui t'ai envoyé des messages de la radio, là. Enfin, Dada Gaming sur ta chaîne. Ah oui, je t'ai vu. Ok, et merci pour tes messages, tes commentaires. Tu m'as même répondu « La revanche, bientôt. » Ouais, exactement. Ah, ou pourquoi tu m'appelles, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Et écoute, merci en tout cas pour ton com. Et effectivement, revanche quand tu veux, mon pote. On t'embrasse, Damien. T'as bisous. Quoi? Il t'a fait de la pub. Bah c'est un beul, de toute façon. Ouais, c'est un beul. Bisous, Damien, on t'embrasse. Ouais, ouais, salut. Ouais, bisous. Bon, Marion. Oui. J'ai repéré sur YouTube, Facebook et Twitter des messages improbables. Ah oui, d'ailleurs, est-ce que je peux faire une petite aparté? Vas-y, aparte. Parce que, non, mais rapidement, moi, je comprends tout à fait qu'on puisse aimer ou pas des contenus sur YouTube. Je suis la première à le faire. Mais juste la méchanceté gratuite, les trucs misogynes, tout ça. Sans déconner, les gars, dépasser un peu ce stade. Il y a des forums, voilà, qui m'ont un petit peu pris en grippe. Et franchement, moi, j'ai rien contre eux. Ils ont tout à fait le droit de détester. Donc, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas en guerre. Mais juste les insultes. Franchement, on évite. Voilà, on est jeune, on est cool. Il y a plein de gosses qui lisent les commentaires et tout. Donc soyez cool, soyez fair-play. Ouais, ouais. Si vous n'aimez pas, et vous regardez pas. Je ne serai pas vexée du tout. Ouais, mais tu t'en fous, c'est des fragiles. Mais moi, je savais que Marion Fascam avait vraiment un vrai discours pour les plus jeunes, et je crois que. Mais c'est vrai, en plus, ça me fait chier de voir ça pour les autres, pas pour moi. Moi, je m'en fous, mais enfin bon, quand même, un peu de discipline. J'ai les larmes aux yeux. Bon, en tout cas, j'ai donc repéré sur YouTube, Facebook et Twitter des messages improbables. Je vais te citer. Tu me dis s'ils ont été postés ou pas. D'accord, dis-moi. D'accord. Sors un téton. Oh, c'est possible parce que j'ai fait péter les boobs, hein. J'avoue. Tout à fait. Il y a quelqu'un qui a mis sort un téton. D'accord. Donc voilà, ça te donne des idées pour ta prochaine vidéo. Ou pas. Okay. Montre tes jolis pieds, s'il te plaît. Je l'ai vu. Il y a quelqu'un. Ouais. Alors, je crois qu'il m'écrit souvent sur Twitter aussi. Il y a quelqu'un qui va absolument voir mes yep. Ouais. Donc je te mettrai une photo en MP. Hein. Et pour avoir passé 2 jours à Ibiza avec elle, pieds nus, c'est vrai que t'as des pieds quand même assez fascinants, quoi. Tu m'angoisses. Ah ouais, ça me fascine. D'accord. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a écrit je peux m'asseoir sur toi? J'espère pas. Non, effectivement, mais je pourrais poster ce genre de choses. Regardez, il y a Iron Man. Non. Eh bien si, visiblement. Quelqu'un qui a dit ça? Ouais, regardez, il y a Iron Man. Ah oui, c'est ça doit être à dire Iron c'est Man. C'est parce que dans la déco, j'ai des mains de Iron Man. C'est pour ça. C'est pour ça, tout j'espère. À fait. Toujours là, le pédo. Est-ce que ça a été... J'ai envie de te dire non, mais vu comment tu te marres, oui. Si, ça a été écrit et on sait pas pourquoi. Toujours là le pédo? Toujours là le pédo. D'accord. Je sais pas pourquoi. Big up à toi. Est-ce que c'est. Il y a été écrit, t'as déjà essayé de brancher une manette entre tes dents de devant? Ce serait très drôle. Mais non, ça n'a pas été écrit. D'accord. J'ai envie de jouer à Super Marion. Oui, je l'ai vu. Ouais, moi je trouve ça très drôle. Moi aussi j'aime bien. C'est écrit. T'es beaucoup mieux en brune Anso. Est-ce que ça a été écrit? Non. Non, effectivement. T'es con. Est-ce qu'il a été écrit te décourage pas négro? Mais non. Oui, si. Ah merde, d'accord. Bon bah ok, je prends, je vais pas me décourager. Est-ce qu'il y a un nain qui a écrit, je peux pas le dire celui-là les gars, c'est violent quoi. Bah, vas-y. Je lui éjacule bien sur les pamplemousses. Il y a quelqu'un qui a écrit ça? Ouais. Mais non. Sur les pamplemousses hein, d'ailleurs, parce que les pamplemousses, ça n'existe pas. Oui, non. Quelqu'un a écrit ça. Est-ce qu'il a été écrit « Tu feras une vidéo sur les pingouins qui se fistent ?» Qui se fistent ? Ouais. Bah non. Non, évidemment non. Et est-ce qu'il y en a un qui a écrit « La vidéo était aussi longue qu'un des sourcils d'Amir ». Oui, oui, oui, forcément. Non, ça n'a pas été écrit, mais je pense que ça va l'être en tout cas. C'est vrai qu'il y a des commentaires « What the fuck », c'est un truc de ouf. Je m'attendais pas à ça, franchement, ouais. Autant de commentaires. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, parce que moi je l'ai vraiment kiffé, mais c'est merci, pas une blague. Et c'est pas parce que t'es en face de moi, sinon je dirais que c'est quand même bien. Mais bon, allez mettre un petit pouce en l'air pour l'encourager. Merci, c'est gentil. Ah, vos pouces en l'air. Il y a Juliette de Paris aussi qui nous a appelé. Bonsoir Juliette. Bonsoir Anso, bonsoir toute l'équipe et bonsoir à votre invité Marion Fascan. Et ça me fait trop bizarre, je te jure. C'est génial, c'est trop drôle. Moi aussi. Salut. Dis-moi. Alors moi j'avais une question, je voulais savoir en combien de temps ça t'avait pris pour faire ta chaîne YouTube justement. Bah écoute, contrairement à ce qu'on pourrait croire, il y a quand même du taf. Et moi je bosse pas seule en fait, je bosse avec un copain auteur, je bosse avec mon frère, un ami qui nous filme tout ça. Donc on a mis du temps parce que voilà, fallait mettre en ordre tout ça. Et puis bah on a testé plein de choses avant. Donc honnêtement, j'y suis depuis le mois de février vraiment. Donc tu vois, j'ai pas tourné depuis le mois de février, mais j'ai commencé à bosser, à réfléchir depuis le mois de février. Voilà. D'accord. Ça te va comme réponse? Oui, c'est aussi une deuxième question. C'est après avec tout ce que t'as fait, est-ce que ça donne envie de faire un livre? Non, évidemment, mais non, mais j'en suis pas du tout. Dis pas non, parce que peut-être qu'un jour ça va arriver. Mais oui, mais je fais pas ces vidéos-là pour ça, sans déconner. Tu sais quoi, Marion, quand tu ressortiras un livre, eh bien, tu seras bien sûr invitée dans Marion et Anne Soul Night Show. Mais franchement, je fais pas ça pour l'argent. Je fais pas ça pour faire des bouquins. Je fais pas ça pour avoir de la notoriété ou quoi. Je fais vraiment ça pour m'amuser parce que c'est ma passion. J'adore les vidéos. Ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire et là, je sais pas, j'ai le temps, j'ai l'impulsion et j'ai l'envie. Donc c'est juste pour ça. Mais non, pas de bouquin, rien du tout. D'accord, bon, en tout cas, continue comme ça, t'es merci. La meilleure. Burr. C'est toi la meilleure, Juliette. Oh, on t'embrasse. Bisous. Bisous les filles. Bisous. Salut. Bon, juste avant de se quitter, Marion Fascam, avec toute l'équipe du Night Show, déjà, on a été ravis de te recevoir. On voudrait remercier aussi tous les gens qui commentent sur ta chaîne YouTube, parce qu'il y a des gens qui commentent avec les commentaires faux qu'on a mis dans le truc. Ah, d'accord. Genre, il y a vraiment maintenant Anso, t'es mieux en brune. Ouais, j'adore. C'est Nico Original qui dit ça, et puis sinon, il y a des comparatifs avec mes sourcils aussi qui arrivent. Là. Voilà, donc c'est pas mal, donc vous pouvez continuer. Marion, juste peut-être que tu as un petit mot à tous les gens qui te suivent, une dédicace à faire. Je pense qu'il faut que tu en profites. L'antenne de Fun Radio est à toi. Il faut que ça finisse parce que ça me gêne là. Mais juste. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent et qui m'ont encouragé. Vous êtes vraiment des amours. Franchement, je pensais pas que j'aurais autant de gens derrière moi sur Facebook et Twitter surtout. Donc merci à ceux qui me suivent depuis le début. Et juste un big up à mon pote Najim qui fait ça avec moi et on se marre bien, c'est cool. Ouais. Bon, et puis dans un instant, vous allez bien sûr pouvoir retrouver la photo de Marion et toute l'équipe du Night Show sur les réseaux sociaux. Marion et Anso, bien sûr, on fera la photo officielle. Voilà. Ok. Merci Marion en tout cas d'être venue dans cette émission, c'était hyper cool. Bah merci à vous, vous êtes une équipe au top, vraiment formidable. Et alors Anso, franchement, t'es une animatrice en or, je tenais à te le dire. Merci, merci beaucoup. 01 42 48 5000, ne bougez pas dans un instant. C'est le Pourquoi tu m'appelles qui va débarquer. Et pour le son tout de suite, c'est Juliane Peretta sur Fun Radio. On écoute I Cry. Merci Marion d'être venue, je t'embrasse. Avec plaisir, bisous. So hard to think about what we could have been. Where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean. Of salt water, yeah. I couldn't make it any more harder. That's why I still do. I get so emotional. Come, we make a truce. 'Cause I cry, cry. You know why. I'm drowning in an ocean of salt water. I'm come back, would you come back to me, yeah. Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone, that's why. Marion et Anso, c'est le Night Show, on est en direct avec vous jusqu'à minuit et non, non, nous ne sommes pas en vacances. Non. Oui, nous revenons d'Ibiza et nous avons beaucoup fait la fête, mais on s'en fout, on est là ce soir et en pleine forme. Et jusqu'au mois d'août, on sera là. Dernière semaine, on sera en direct avec vous jusqu'à jeudi soir. Donc restez bien là parce que toute cette semaine, je pense que ça va être n'importe quoi. On va en profiter à fond avec vous. Ouais, et on reçoit Kinvé mardi, donc ça va être le feu, ça va être le feu. Oh là là. Ouais, oh. Marion et Anso, funradio.fr pour faire de la radio avec nous, puis c'est tout. Pourquoi tu m'appelles ? Bah je vous appelle pas. Ne me fais pas chier. Vous êtes qui là, pauvre con ? C'est dans le Night Show sur Fun Radio. Et alors du coup, si je compte bien, vous me dites, hein, il reste 5 chances pour vous de gagner au Pourquoi tu m'appelles. C'est à peu près ça. Donc inscrivez-vous, Marion et Anso funradio.fr. Cette semaine, on vous offre des enceintes Bluetooth Philips. Et en plus, si vous battez le record qui est de 3,40, c'est gros cadeau, festival au cadeau. On sait pas encore quoi, mais c'est mais la folie. Ce sera du gros cadeau. Et c'est Myriam de Lyon qui joue avec nous ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir les filles. Ça va Myriam ? Ça va et vous ? Oui, très bien chérie. Tu fais quoi dans la vie toi ? Je suis au lycée. D'accord, t'as passé le bac ou ? Non, je suis en seconde, je passe en première. Ah. Ah, c'est vraiment l'année cool, hein, la seconde. Grave, ouais. C'est vrai. Hein. Ouais. Donc là, c'est les vacances quoi ? Ouais, c'est les vacances. Bon, top. Tu veux jouer contre qui ce soir ? Je veux jouer contre Anto. Ok Myriam, ok. Bonne stratégie, elle a sa voix cassée, elle est pas très en forme. Si je suis en forme. Elle a beaucoup fait la fête, ça devrait être pas mal. Je vais te donner un handicap. Ok. Rapport toujours à l'Euro et à l'équipe de France qui a gagné tout à l'heure. Oh je t'aime mon grisou. J'aimerais que tu places des phrases, si tu peux en chantant, si tu peux pas tant pis, mais de la Marseillaise au téléphone. D'accord, ok. Un Pourquoi tu m'appelles spécial Marseillaise, essaie de le tenir le plus longtemps possible. Et puis voilà, parler ou chanter, c'est toi qui vois, t'improvises quoi. Bon, Myriam, je commence ? Oui. D'accord. Allez, c'est parti. Comme ça, tu auras plus de chances de voir combien de temps je fais, tout ça, quoi. Allez, on appelle quelque part. Tu la connais au moins, la Marseillaise ? Oui. Oui, ça va. Puis bon, j'ai pris tout ce qui est paroles sous les yeux. Ah oui. Non, je la connais. Eh, hey, t'as une nouvelle coque ? Ouais. L'iPhone ? Ouais. L'amour, c'est pour les nuls. L'amour, c'est pour les nuls, ouais. Est-ce que la tienne que tu m'as offerte, je l'ai cassée à Ibiza ? D'accord, je la prends pas mal. Tout ce qui est les criques et tout ça, tu vois. D'accord. Allô ? Allô, nos enfants de la patrie, bonsoir. Pourquoi tu m'appelles ? Eh ben, qui est-ce à l'appareil ? Ah bah, vous, qui êtes-vous, monsieur ? Ah bah, alors, je me suis peut-être trompé de numéro de téléphone, excusez-moi. Ah bah oui, parce que mon téléphone vient sonner, le jour de gloire est arrivé, et puis du coup, bah, je me suis dit, bah, quelqu'un m'appelle. Eh oui, alors quelqu'un vous appelle. Alors, quel numéro ? Parce que là, comme ça ressort en inconnu... Mais je me pose une question, monsieur. Entendez-vous dans les campagnes ? Entendez-vous dans les campagnes le clair son du trombone ou non ? Non ? Bah, tout ce qui est mugir, ses forces, ses féroces soldats, tout ça. Ah oui, d'accord. Vous savez, comme ils viennent juste dans nos bras, c'est pour ça que je me posais la question. Alors, vous n'étiez pas une cérémonie ce matin ? Ah non. Vous n'étiez pas une remise de médaille, par exemple ? Par contre, j'ai beaucoup marché ce matin, effectivement. Marchons, qu'un sang impur. Ah, bon, il y a du monde autour de chez vous. Bah, enfin. C'est-à-dire que tout le monde se demande pourquoi tu m'appelles, quoi. Mais d'accord, mais comme ça ressort inconnu, je sais pas du tout qui j'ai appelé en fait. J'ai appelé plusieurs personnes, voyons. Et vous aimez la Marseillaise, monsieur ? Oui, ça dépend. Est-ce que vous avez vu le match de l'équipe de France tout à l'heure ? Si j'ai vu le match de l'équipe de France tout à l'heure, non, du tout. Parce que nous, on a envie de vous dire quelque chose, monsieur. Allez, je vous écoute. Citoyen ! Bon. Formez le bataillon ! Marchons ! Très bien. Marchons ! Bah, faut chanter, hein. Vous êtes combien autour de la table ? Bon, là, on est 4-5 poteaux, tranquille. On est une patrie, là. On est une patrie, ouais, c'est ça. Ah ouais, donc il y a aussi des garçons. Ah bah oui. Oui, c'est ça, il y a des garçons. Ah des ouais, filles. Donc j'ai aucune chance alors. Oh bah si, vous savez, moi je suis pas bien regardante. Hein. Donc, il est sympa ce monsieur, vous appelez comment? Jean-Louis, pourquoi? Ah bah Jean-Louis, vous êtes adorable, parce que d'habitude on se fait envoyer chier, et là vous êtes plutôt sympa. Ouais, vous êtes hyper cool même. Et pourquoi vous... pourquoi je serais dans cette attitude-là? Vous êtes charmante. Hein. Ah bah oui, mais on vous embête peut-être là, je sais pas moi. Mais pas du tout, mais en fait j'aimerais bien savoir qui est au bout du fil quoi. On peut lui dire. On lui dit, en fait, vous êtes en direct sur Fun Radio, monsieur. Pourquoi tu m'appelles? Ah très bien, oh, parfait. Voilà, c'est plutôt sympa. Exactement, c'était un jeu. Vous passez dans le pourquoi tu m'appelles et le but est de rester le plus longtemps possible. Je crois que je suis en train de battre un record. Ouais. Ah ouais, bah écoutez, vous êtes charmant. Ah non, mais écoutez, attends, sincèrement. Il faut quand même qu'on lui dise le nom de l'émission, tout ça, parce qu'il va écouter maintenant. C'est Marion et Anso. Bien sûr que je vais écouter, évidemment. Alors, Marion et Anso, le Night Show, 22h minuit, petite émission très sympathique. Avec deux charmantes nanas. Vous êtes plutôt brune ou blonde? Moi, non, je suis restée, j'ai pas eu d'opération. Il m'a rempli ça. J'ai pas compris cette vanne, moi. Genre, c'est un mec en fait, encore. Bah oui. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Vous attendiez à avoir une dame, une demoiselle? Non, pas du tout. Non, mais c'est parce qu'en fait, nous, on est les deux animatrices, il y en a une brune et une blonde. Donc je voulais savoir. Ah d'accord, mais oui, mais je peux pas vous voir puisque je vous ai au bout du fil, je peux pas être partout. Ah bah, c'est sûr, monsieur. En tout cas, vous êtes un amour et comme j'ai pas envie qu'elle batte le record, on va raccrocher maintenant. mais je crois que c'est battu. Jean-Louis, on vous passe le standard là et ils vont tout vous expliquer, on va vous envoyer un pack Fun Radio. Merci. Je vous embrasse à vous et bonne soirée. À bientôt, Jean-Louis. Bisous. Salut. Bonne bise. Bon, ça va être compliqué pour notre auditrice. Combien elle a fait? Ah bah là, au moment où ça a raccroché, il y avait 3 minutes 40. Hein. Je suis désolé, mais... Ah donc pile poil. Ah merde, pile poil. Bah écoute, au moins nous sommes toutes les deux ex aequo sur le record du pourquoi tu m'appelles. Tu sais quoi, c'est toi qui l'as parce que t'aurais pu rester plus longtemps. C'est vrai. On a écourté. Ah, ouais. Ça c'est gentil. Bravo Anso. Bon par contre, merci beaucoup. En revanche, je suis en train de me dire que Myriam, là, elle doit se dire l'enceinte Bluetooth. C'est clair. Hein. Myriam. Myriam, 3 minutes 40 à battre. Hein. Ouais, bah, j'ai surtout pas la pression là. Hein. Ça va le faire, t'inquiète pas Myriam. On croit en toi, on y va, pas de handicap pour toi, t'es la meilleure. D'accord. Allez. C'est parti, petite femme, bonne chance. C'est cool ce mec, hein? Grave, Jean-Louis. Tu vois, j'ai même pas eu le temps de demander comment il était physiquement. Tu... Regarde là. Elle. Allô? Allô? Allô? Allô? Oui? Oui, pourquoi tu m'appelles? D'abord, c'est vous qui m'appelez, vous êtes qui? Vous devez le savoir vu que vous m'appelez. Ah non, j'appelle personne, mon téléphone a sonné, numéro privé, donc je décroche forcément. Ah, bah je ne comprends pas du tout là. Ça fait 3 fois que mon portable sonne. 3 fois que je décroche et 3 fois que ça coupe. Ah mais vous aussi, mais moi aussi, c'est pas la première fois qu'on m'appelle comme ça. Ah oui, mais moi je vous ai pas appelé, hein. C'est mon téléphone qui a sonné comme ça. Je sais pas, moi aussi là, je sais pas si ça vient de sonner, je décroche et c'est vous que j'ai au bout du fil. Bon, bah écoutez, c'est pas grave, on va raccrocher. Bah, on peut quand même essayer de trouver la source du problème. Ah bah on peut toujours essayer, mais moi ça sur mon téléphone quand ça sonne ça me met numéro privé donc Figurez-vous que moi aussi là, c'est numéro privé. Bon bah c'est bizarre. Vous êtes chez quel opérateur? Moi je suis chez SFR. Ah bah je comprends pas, moi je suis chez Bouygues. Bon bah comme c'est un peu bizarre mais bon c'est pas grave hein. Il doit y avoir un petit problème. Mais il doit y avoir un petit souci quelque part. Kendoulet. Oh ouais. Allô? Ah, il a il est parti. Ah, elle a été bien. Elle a fait combien, Mano? Bah, 1 minute 40 tout de même. J'ai rien compris. Non, ça c'était non, moi. C'était, c'était l'ordinateur. Ouais, on s'est lâché parce qu'on avait envie de mettre du piment dans cette conversation qui semblait un peu chiante. Mais c'était quand même vachement bien. T'as tenu 1 minute 40. C'est dimanche. La France a gagné. J'en ai rien à foutre. Anso, qu'est-ce qu'on fait? Ah, bah on lui offre. Eh ben c'est gagné. Bah oui. Évidemment. De toute façon, globalement, c'était difficile à battre. Et puis, on est dans notre dernière semaine. Donc, je pense que. Bon, tous ceux qui vont tout passer. Le soir. Non. En tout cas, moi, je suis partie sur une générosité constante. D'accord. Oui, chérie. Je peux faire une petite dédicace? Bien sûr.

Écrire, passer, réfléchir, gommer. Hésitation, peine, aspiration. Recommencer, faire encore pire. Perdre espoir de ne jamais finir. Mauvais instru, mauvais rendu. Avoir des idées, non j'ai tout perdu. Culpabiliser et laisser tomber. Culpabiliser et laisser tomber. J'ai écrit tellement de textes, j'en ai tellement jeté. Je vous ai pas menti, j'avoue que ça m'a saoulé. Écrire des sons, non c'est pas facile. Trouver les bonnes rimes, faire beaucoup de lignes. Dire ce que tu penses, t'exprimer. Donner du sens, rappeler la vérité. Faire passer un message, se faire insulter. Se faire abaisser, tous les âges, des rêves pleins, tout récolter les échecs. Faisait certaines choses, ne pas oser essayer. Baisser les bras, ne pas avoir confiance en soi. Faire face au rire, garder le sourire. Se dire qu'il y a pire, ne jamais fuir. Continuer de gratter, vouloir réussir. Ne pas lâcher, ne pas trop en dire. Non, ne pas lâcher, ne pas trop en dire. Rapper dans sa chambre, lire les commentaires. Avoir envie de continuer, viser le sommet. Mais retomber, désespérer. Mais retomber, désespérer. Vouloir faire des concerts, rapper devant la glace. Non, c'est pas le même air, mais comment faire ma place. Une fille dans le rap, mais je passerai pas à la trappe. Je sais qu'il y aura beaucoup d'étapes avant de faire mes premières dates. Oh là ouais, là, bravo! Franchement, c'est tous regardés dans le studio, elle nous met tous à l'amende, quoi. Ouais. Ah, mais t'es, hey, franchement, t'es une tueuse. Je suis sûre que tu vas réussir, chérie. Ah ouais. Franchement, tu déchires. Wow. Merci beaucoup. T'as beaucoup de talent, hein, je te jure. Hein. Ouais. Ouais. Franchement, t'as du talent, t'es toute belle, mais franchement, elle peut aller super loin. Mais surtout, ouais, si elle écrit, je pense que bah, c'est un peu ce qui t'est arrivé, tout ouais, ça. Et franchement, ça devrait parler à plein de jeunes. Et si jamais le rap ne marche pas, tu pourras toujours être orthophoniste, car ouais, tu articules extrêmement bien. Beaucoup mieux et que ça, nous. C'est pas mal, Roxane. Et t'aimerais pas faire un peu les télécrochets, tout ça, genre The Voice, Nouvelle Star, enfin, Nouvelle Star, non, c'est fini. Le format. Hein. Bah, The Voice, j'ai pas la voix en fait. Bah oui. Ah. Non, mais peut-être. Ouais. Mais YouTube, c'est un bon moyen. Je pense que tu vas te faire ouais, repérer. Continue, on va faire tourner ta chaîne parce que franchement, ouais, t'as du talent. Bah, merci beaucoup. Faut surtout pas lâcher. Hein. Merci à toi, Roxane. Et quand tu seras une star, surtout ne refuse jamais nos invitations. Et ne nous oublie pas. Tu diras, j'étais passée dans le night show. Non, y a pas de problème. Bon, reste avec nous, on reparle avec toi tout à l'heure et encore bravo. Merci. Bravo, petite femme. On va changer de registre là, les amis, puisqu'on va parler faits divers concernant les parents. Je vous explique, on revenait d'Ibiza, on était dans l'avion et là, Amir nous a surpris au réveil, parce qu'on s'était fait une petite sieste avec Enzo. Ouais, c'est ça. Il nous sort une news d'un ouais, truc de ouf. En fait, c'est un papa, je sais pas de quelle origine, quel pays il était. Je crois que c'était en France, hein. Texas. Texas. Ah, c'est au Texas, ouais, hein. Ah bah, ils sont un peu chelous là. Je suis soulagée alors. Hein. Ouais, c'est moi cool, aussi. Enfin, c'est aussi grave hein, que ce soit au Texas. Mais oui, enfin, bon, non, mais je veux dire, moi je me dis que bon, c'est pas un Français qui a fait ça quoi. Et donc, bah, cette personne a laissé son bébé de 6 mois dans une voiture, donc sans surveillance, au soleil. Ça arrive souvent. Hein. Malheureusement, c'est fait divers. Je comprends pas. Il les oublie. Voilà. Sauf qu'une fois qu'il s'est rendu compte que le bébé était inanimé, il s'est dit, comme il a pris chaud, je vais le mettre au frigo. Donc, le papa a mis son bébé au frigo en espérant que ça marche et qu'il refroidisse. Sauf que, bah, clairement, il n'était pas congé, le bébé. Il était juste inanimé. Donc, il avait besoin d'être réanimé. Donc, bah, gros échec, évidemment. Et c'est tragique, hein, puisque le bébé est décédé. Donc, déjà, premier appel. Je vous en supplie, si vous voyez un enfant ou quelqu'un dans une voiture, surtout intervenez parce que c'est hyper grave. Mais oui, appelez les pompiers parce qu'ils souffrent de déshydratation. Il faut juste les réhydrater, quoi. Surtout en cette période de chaleur parce qu'on commence à y venir. Donc, franchement, voilà. Et ça nous a donné envie, bah, de parler des pires faits divers avec les parents, parce qu'il y a des trucs de ouf dans le monde entier. C'est pas pour se moquer, c'est rien de tout ça. C'est juste bah, pour faire un petit déroulé de tout ce qui se passe. C'est le vrai faux du soir, vous allez me dire, ok? Ok. Le vrai faux du night show. En France, des parents ont puni leur fille de 17 ans en l'attachant à son lit plusieurs jours sans la détacher. Elle s'est faite dessus plusieurs fois. Vrai ou faux? Vrai. Ouais, c'est possible, je pense. C'est complètement vrai. Ça me met hors de moi. Comment on peut faire un truc pareil? Non, mais je ne sais pauvre, pas. Je ne sais pas. Évidemment, ils ont été condamnés. Tout va bien. Elle a été prise en charge. Au Japon, après qu'un enfant ait caillassé la voiture de ses parents, ceux-ci l'ont abandonné toute une journée dans une forêt. Vrai ou faux? Attends, l'enfant, il a jeté des pierres contre la voiture. Voilà. Et donc, les parents l'auraient abandonné toute une journée dans une forêt. Ouais, c'est possible, ça, au Japon. Ouais, c'est possible, ouais. C'est possible. Alors, ils l'ont récupéré après, mais enfin, paye ton traumatisme, quand même. Ah bah, tu m'étonnes, il est tellement flippé. Moi, déjà, dès que je me perdais au Super U... Ah oui, moi, j'étais pas bien. Hein? Moi aussi. T'étais au rayon fromage, d'un coup, tu tournes la tête, tu vois plus maman, tu vois plus papa. On est d'accord. Et tu dis, où est-ce que je vais me retrouver avant d'aller au rayon charcuterie? C'est horrible. Dans l'Arizona, une mère a enfermé sa fille dans une boîte de Barbie géante et a essayé de la vendre à une brocante. Vrai ou faux? Bah, mais non. Bah non, c'est faux. Arrêtez de me regarder avec mépris comme ça. Non. Dans la Drôme, des parents se sont arrêtés sur une aire d'autoroute pour faire pipi à leur fille. En attendant, ils ont pris un café et sont repartis en l'oubliant dans les toilettes. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Alors, oui, ils n'ont pas fait exprès. On en avait entendu parler, effectivement. Petite inattention, ils sont venus la récupérer, évidemment. Tout va bien. Et je ne comprends pas comment tu peux oublier un enfant. C'est-à-dire que c'est pas une valise, quoi. Moi non plus, je comprends pas. Bah, tu penses à autre chose. Bah, non, mais je sais pas, tu fais l'appel une fois que t'es dans la voiture. C'est clair. Tu vérifies quand même qu'il est attaché et tout. Enfin, c'est lunaire, quoi. Ouais, non, je comprends. Bah arrête Amir. Mais je comprends que des parents puissent oublier sans faire exprès, c'est pas volontaire. Bah quand même. C'est déjà arrivé à plein de parents. T'oublies un foulard mais pas un enfant, c'est clair. En Argentine, un père de famille a forcé son fils à s'accoupler avec le chat de la famille pour qu'il devienne un homme, vrai ou faux ? Non. Eh bien c'est faux. Ah oui. Au Japon, toujours un beau-père excédé de voir son beau-fils ne rien faire de ses journées, urinait dans son thé tous les matins pour le faire fuir de la maison. Vrai. Oui, c'est vrai Amir. Alors, cela dit, c'est une bonne méthode. Ok, on a une musique du Japon numéro 2 là. C'est une bonne méthode. Tous les matins, il faisait pipi dans le thé et du coup, le fiston a décidé de partir. Voilà. Mais attends, mais il s'en est rendu compte au bout de combien de temps ? Je sais pas. Parce que moi, le thé est pas bon, j'arrête de le boire. Enfin. Moi aussi, mais je reste à la maison. Dans le Vaucluse, un père de famille complètement ivre a agressé son fils avec une truelle pendant qu'il l'aidait à faire des travaux dans le jardin. Pardon. C'est vrai, si tu rigoles, c'est que c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais non, c'est terrible. Attends, tu veux dire que l'enfant aidait son père à faire des travaux dans le jardin. Et le père, mais pourquoi il s'est énervé comme ça ? Il était cool, a le eu gamin. Un coup de sang. Ah, il s'est pété peut-être. Il a peut-être bu. Ouais. Et le gamin, il a quoi ? Bah écoute, l'histoire ne dit pas comment ça s'est terminé pour ce pauvre enfant. Un coup de truelle, quoi. Un c'est coup horrible. De truelle, moi, bon, une bosse. Voilà. Mais arrête un peu, c'est grave. Bah, oui, une truelle. Personne avec ni une truelle ni un cure-dent, enfin. Ouais. En Italie, après que leur fils ait cassé un vase de grande valeur, la mère a pris les fleurs du vase et lui a mis dans l'anus en attendant que le père répare le vase. Mais non. Non. Non, c'est faux, évidemment, c'est faux. Et Mano, t'as qu'à les mettre plus fortes les musiques aussi. Hein. C'est l'ambiance. En Turquie, des parents qui étaient à la plage avec leur bébé l'ont oublié dans la bouée jusqu'à ce que l'enfant dérive sur la plage d'à côté. Ah oui. C'est vrai. Non mais là aussi franchement comment tu peux oublier Attends, mais il pouvait pas lui payer le bus. Je sais pas, il est dans une bouée quoi. C'est un truc de malade, je sais pas. Il a rien. Ben non, il a rien, mais il a quand même dérivé sur une plage quoi. T'imagines, c'est encore plus flippant que de rester abandonné dans une forêt quand même. Hein. Je pense quand même. En France, pour punir son fils, Laurie a promis de sortir un nouvel album que lui seul écoutera. Non. Non, évidemment que non. Toujours en France, un enfant avait découpé le canapé de ses parents pour le punir. Ils lui ont greffé les accoudoirs à la place des sourcils. Vrai ou faux ? Oui, oui, c'est vrai. Amir. Puisque si vous nous rejoignez dans le Night Show, Amir des réseaux sociaux a des sourcils absolument dégueux. Voilà. Ah non. Ils sont pas dégueux, ils sont juste un peu plus gros que la normale. Mais légèrement imposant. Roxane qui est avec nous aujourd'hui, oui. Qui a forcément vu les vidéos, donc qui m'a vu avant de venir aujourd'hui. Est-ce que mes sourcils, ils sont... Ça va. Ouais. Elle est gentille. Moi, je pense que Roxane, elle va écrire un rap sur tes sourcils. Ça cartonnerait. Bon, et en tout cas, franchement, c'est fait divers. C'est un truc de malade. Juste faites encore une fois attention, surveillez, regardez. Si vous voyez un enfant là dans une voiture qui reste comme ça plusieurs minutes tout seul, c'est dangereux. Ouais, appelez la police. Exactement. J'ai envie qu'on change d'ambiance dans le Night Show, puisque je vous rappelle qu'en France, il s'est passé un truc aujourd'hui assez énorme. Oui. Puisque la France a réussi à battre l'Irlande en 8e de finale de l'Euro 2016. Moi, personnellement, je l'ai regardé dans un bar cet après-midi. Moi aussi. C'était une super ambiance, c'était un truc de fou. C'est quand même assez hallucinant quand un but est marqué de l'équipe de France. Tout le monde est ton pote. C'est clair. T'as pas envie de lui faire des câlins ? Ah si, tout le monde crie. Franchement, si, je suis d'accord avec toi. Par contre, quand c'est l'équipe adverse qui marque, là tout le monde se fait la gueule. Ouais, c'est un truc de ouf, quoi. Mais bravo encore à eux, franchement, c'était cool. Et donc, du coup, on a décidé d'en parler avec vous, un peu de savoir là, comment ça s'est passé pour vous de votre côté, un petit débrief du match, quoi, avec tes auditeurs. Qu'est-ce qu'ils en ont pensé, quoi ? Est-ce qu'on est au niveau ? Est-ce que ça sent bon pour la suite ? Tout ça, tout ça. Des pronos, quoi. Hein. Et d'ailleurs, bravo à la Belgique, 4-0 là ce soir, ouais, c'est un truc de malade. Ouais. Franchement, ils sont forts, ces Belges, hein, cette année. Et donc, du coup, Mano, je te jure que ce sifflet, je vais te le foutre dans le fion. Je te le dis, si tu continues, Mano, je vais péter un plomb. Content de lui en plus. Et du coup, on va jouer contre qui le prochain match ? Alors, c'est Angleterre, c'est bon ? Ou Islande. Alors, on ne sait pas encore. Donc, les pronostics disent que c'est l'Angleterre. Oui. Mais vous le savez, pendant l'Euro, on ne sait jamais. Regardez, l'Irlande, on fait des beaux matchs. Hein, donc, L'Islande aussi, hein, je crois. Peut-être que l'Islande vont gagner et que du coup, ce sera France-Islande. On ne sait pas. On verra. Bon, on a Corentin de Lille qui est avec nous. Bonsoir Coco, bonsoir Henran, bonsoir Tintin. Tu fais jamais ça, toi. Bonsoir tout le monde, bonsoir toute l'équipe. Ça va, Corentin ? Allez. Ça va et vous ? Ouais, très bien. Vous êtes content d'être là ? On est content d'être là ! Yay ! Alors, tu l'as vu où le match, toi ? Moi, chez moi. Ouais, avec la famille ? Chez mon frère, plutôt, ouais. Ok. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé ? Qu'est-ce que j'en pense ? C'est toujours la même histoire avec la France. C'est-à-dire ? On se prend toujours soit un but en début de match et on se réveille après, ou on soit attendre la deuxième mi-temps avant d'en mettre. Enfin, bon, après, voilà. cela dit, le premier but de l'Irlande, c'était un pénalty aussi. Hein. Donc j'ai envie de dire que c'est un peu plus facile que la normale. Hein. Ouais, peut-être que justement, grâce à ce pénalty, ça a mis la pression à toute l'équipe de France et que du coup, ils ont été très bons. Enfin, ouais. Sur la deuxième mi-temps, ils ont été très bons. Sur la première, ils étaient moyens. Et puis le pénalty était quand même assez mérité pour Pogba. Hein. Je suis désolée, mais une minute de jeu, direct, c'était risqué ce qu'il a fait. Il y en a qui disent que l'autre a été comédien. Moi, je voulais juste parler de ça. Tu vas me dire si t'es d'accord avec moi, Corentin, parce qu'on a quand même eu le droit à du grand jeu d'acteur cet après-midi. Oh là là là là. Ah, mais ça, après, ça fait partie du football. Hein. Non, mais là, c'était que... too much. Quand il y a eu le coup franc, là, je sais pas qui est tombé. 4 minutes, ah, le gars. Il y a plein de joueurs d'équipe de France qui simulent aussi, des fois, quand il y a des non, fautes. Mais ça, c'est le jeu, ça fait partie du game et tout. Il n'y a pas de souci. Voilà. Mais 4 minutes, la civière qui arrive jamais, franchement c'était clairement de l'anti-jeu et là c'était pas cool. Après c'est pas parce que c'est nos adversaires, ça aurait été les Français, j'aurais dit pareil, tu vois. Mais ça m'énerve dans le foot, c'est un truc de ouf. Les gars, ils pourraient concourir aux Oscars quoi. Ils en font des tonnes. Non mais c'est un truc de ouf. Ouais. Bon, et qu'est-ce qu'on a pensé d'autre alors, à part ça? Bah moi j'en pense qu'ils se sont pris le but. Ouais. L'Irlande a voulu presser, ils ont voulu faire des fautes et tout pour essayer d'énerver les Français. À 8 ans, Deschamps a dit on joue pas dans Deschamps ici, on joue sur une pelouse d'un grand stade. Mm. Du coup il a sorti son violon, il a fait le baratin. Ils sont tous revenus. Ça a marché, hein. Et je sais ouais, pas vous. Ça a marché. Mais moi, j'adore quand il y a des plans sur Didier Deschamps, quand il y a un but qui est marqué, ouais. Quoi. Ouais. C'est ouais, tellement génial. Le gars est tellement heureux, quoi. Mais il a revu sa stratégie pour la deuxième mi-temps, c'est ça. Il a replacé les gars, notamment Griezmann et tout, il me semble. Ouais, en fait, ouais. Griezmann, il l'a mis de son côté préféré. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais du coup, franchement, il a fait un bon délire à la mi-temps des champs. Franchement, voilà, il les a remonté le moral, tout ça. Nouvelle stratégie, et puis bim, le doublé. Bon, tu sais quoi, cette émission, elle est pas pour Griezmann, elle est pour Didier Deschamps. Voilà, bravo. Didier, bravo Didier. Didier. Et mais du coup, Marion m'a balancé une petite anecdote cet après-midi sur un des joueurs. C'est vrai, vas-y. Elle m'a vachement épaté, mais tu l'as bien raconté, donc fais-le. Mais c'est ça, c'est parce que t'as oublié, non? Ouais. En fait, non, mais je l'ai entendu sur une autre radio sportive. Griezmann, tu sais, c'est le seul à... Non, c'est pas Griezmann. Bah si. Mais non, c'est pas Griezmann. Bah si. Non, il y a un joueur en équipe de France qui joue toujours c'est en Griezmann. Manche longue. C'est Griezmann. C'est mais Griezmann, du coup, elle avait tout Griezmann a toujours l'habitude de jouer en manche longue. C'est le seul. Et en fait, c'est pour rendre hommage à son idole qui est David Beckham qui joue tout le temps en manche longue. Donc il avait beau avoir chaud, il reste en manche longue. Ah ouais. Original ce gris-gris. Hein. Ah, il est vraiment chou. Hein. On l'aime. Il est beau tête en plus. De beurre. Ah ouais. Ah ouais. Quel dommage qu'il ait une meuf et un enfant. C'est clair. Et Corentin, du coup, tu le sens comment pour la suite, toi? Bah, je le sens qu'on va encore avoir du mal au prochain tour. Hein. Mais non. Juste un pronostic, si la France joue contre l'Islande et si la France joue contre l'Angleterre. Moi déjà, je pense qu'elle va jouer contre l'Islande, parce que l'Islande, c'est un petit pays par rapport aux autres, donc ils vont se donner beaucoup plus. Mmh. Ils se battent pour leur couleur, pour leur pays, contrairement à certains d'autres pays, tu vois. Eux, c'est plus pour l'argent, on va dire. Donc moi, je vois plus un Islande-France et qu'un petit 2-1 pour la France. Okay. Et si vraiment c'est l'Angleterre, un petit score genre 1-0 ou... Pour la France. Ouais, je pense qu'elle va quand même passer, tu vois. T'es optimiste. Ok, ouais, bien, bah, faut être optimiste, hein, il le faut. Jusqu'au bout. Ah, bon. Grave. Et bah, c'est on bien. Est là pour la gagner. Et bah, bravo en tout cas aux Bleus, franchement. Moi, je suis fier d'eux, ils ont rien lâché. Et puis, ils ont quand même offert un spectacle en deuxième mi-temps, c'était voilà. Cool. Voilà, merci Corentin d'avoir refait le match avec nous. Et au plaisir, Thierry. Après avoir vu ça, on peut encore mourir tranquille, hein, le plus tard possible, mais on le peut. Et c'est ça, hommage à Titi Roland. Bisous, Corentin. Ouais, je peux faire une petite dédicace. Bien sûr. Alors, je fais une petite dédicace à mon frère Momo, au petit bébé Yael, à Anabis, et à Tana, à Guéguette, et puis à tonton Nicolas. Ok, on embrasse tout le monde. Bisous, Corentin. Merci, bonne soirée à vous, ciao. Bisous, on t'embrasse. Bon, et vous, l'équipe, pronostic pour le prochain match de la France? Moi, je pense que ce sera l'Angleterre, et allez, 1-0, parce que j'ai quand même peur, mais je pense que ça va être dur. Moi, je dis contre l'Islande, parce que moi, je suis d'accord avec Corentin, et je dirais, allez, 64-1. Okay, ça va être un match de gueudin. Tout ce qui quoi. Est crédible, quoi. Bon, restez avec nous dans un instant sur Fun Radio, c'est le Je te demande pardon qui débarque, et vous gagnez des hoverboards en plus, ça c'est chambé. Oui. Pour vous inscrire à marion@funradio.fr, dites-vous qu'on vous en fera gagner tous les soirs dans le night show des hoverboards. Et pour le son tout de suite, c'est trop bon, soit ce son, on en parle comme ça, c'est cool, yeah. C'est un beurre. Qui viennent de nous rejoindre là sur Fun Radio, c'est Marion et Anso. On est en direct avec vous jusqu'à minuit. Et vous rejoignez-nous également sur notre chaîne YouTube, Marion et Anso. Nos chaînes YouTube. Nos chaînes YouTube. Ouais. Alors, il y en a une, c'est Marion et Anso Gaming, avec lequel on joue aux jeux vidéo. Oui. On a joué avec Ritza à FIFA. On a joué avec Wartek aussi à Call of. On a testé un jeu qui fait peur aussi avec toute l'équipe. Et puis, sur notre chaîne YouTube, Marion et Anso, bah, vous retrouvez plein de trucs, du contenu de l'émission. Et notamment, une vidéo sur les pratiques sexuelles les plus cheloues. Ouais. C'est hyper bizarre. Vous allez voir, il y a vraiment des gens qui ont des pratiques très étranges. Ah, ça fait un peu peur, hein. Ça fait un peu peur. Allez nous rejoindre, puis vous nous direz comme ça, avec des pouces. Et puis avec des phrases un peu sympas, quoi. Oh, bon, partage, on partage. T'as un truc à te faire pardonner. C'est l'heure du. Je te demande pardon. Faut faire attention, Anso, quand tu dis vous nous direz avec des pouces, parce que ça peut être mal interprété. Mettez des pouces, c'est toujours mieux, hein. Et d'accord, ouais, c'est ça, exactement. C'est Jonathan qui a un truc à se faire pardonner ce soir. Bonsoir, Jonathan. Oui. Bonsoir. Ça va, Jonathan? Bonjour, Marion. Bonjour, Anso. C'est la toute l'équipe. Comment il va, celui-là? Ça va, et vous? Très bien, t'as quel âge? 26 ans. Et tu habites où? À Nancy. À Nancy, d'accord. Tout se passe bien, Nancy? Ça va, il fait chaud, donc ça va. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je vous écoute. Sache que si tu arrives à faire de belles excuses ce soir et si tu arrives à te faire pardonner, tu vas repartir avec ton overboard. Très beau cadeau qu'on vous offre cette semaine dans le Je te demande pardon. Et ailleurs d'ailleurs, on va vous en offrir comme ça à l'antenne. Des overboards toute la semaine, ça pète. Ouais, c'est canon. Tu sais en faire, Jonathan? Non, mais ce serait l'occasion. Écoute, c'est pas bien compliqué. Dans l'équipe, tout le monde arrive à en faire. Ouais, ça va. Hein, ouais. Bon, je maîtrise pas des maths. C'est limite, limite. Bon, dis-nous, tu veux te faire pardonner auprès de qui? Mon meilleur pote. D'accord, pourquoi? J'ai cassé ses deux doigts de la main. D'accord, ah. Tu me fais peur. Pourquoi t'as fait ça, comment? On est rentré en voiture. Et en sortant de la voiture, donc il y avait une charmante demoiselle qui est passée. Mm-hmm. J'ai plus regardé la demoiselle que la portière et j'ai pas fait gaffe. Oh. Il a été chercher son sac dans la voiture et j'ai fermé un peu trop fort la porte. Ah, mon Dieu. Ça m'est arrivé, ça, moi aussi. Mon frère m'avait fermé la porte de la voiture aussi sur mon pouce. Ça doit faire hyper mal. Bah, ça fait mal, ouais. Surtout que ma mère avait fermé, tu sais, avec le bip, là. Ouais. Donc elle avait fermé, je lui ai dit, tu peux rouvrir maintenant parce que j'ai mon pouce, en fait, je peux pas repartir, quoi. Il était cassé? Non, même pas. Dans l'articulation, j'ai rien eu. Mais du coup, il te fait la gueule, là, ton pote, ou comment ça se passe? C'est vrai. Bon. Il s'appelle comment? Mickaël. Mickaël, okay. Allez, on y va, on l'appelle. En même temps, c'est pas vraiment ta faute. Il y avait une jolie fille, ça arrive à tout le monde. Et c'est que deux doigts. Bon, il aurait suite. Mais si, c'est complètement sa faute, par contre. Oui, mais bon. Il aurait suite. Oui. C'est beaucoup, c'est la majorité, quoi. Allô? Ouais, salut, Mac. C'est Joe, ça va? C'est Joe? Ouais. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Bah, je peux te parler, quoi. Elle veut parler? Par rapport à ce qui s'est passé. Genre. Tu veux me parler, quoi? Bah ouais. Ah oui, tu m'exposes les doigts, tu te barres, tu n'as rien à branler, même pas tu t'excuses et pff, tu m'appelles comme ça. Trois plombs après. Ah, je t'ai quand même emmené à l'hôpital. Normal, quoi. C'est bon, t'as pas... Bah c'est quoi, regarde. Moi aussi, éclater les doigts dans une portière, je vais me barrer, et puis tranquille, rien à foutre, et puis comme ça. Ah, non, tu vas pas faire le con non plus, c'est un accident. Faire le con, ben, tu fais que le con, t'arrêtes pas, quoi. T'es même pas, t'as plus 15 ans, quoi. C'est bon, tu vas pas... Vu le nombre de conneries que tu fais à chaque fois, putain, alors, encore une, quoi. Allez, c'est bon, tu vas pas péter les couilles, tu vas pas me casser les couilles juste pour deux doigts, quoi. C'est que deux doigts, je t'ai cassé deux doigts, c'est... Ça va pas durer de diplôme, quoi, c'est pas comme oui, si... deux doigts et boulot. Connard. Dis pas ça. Ah, déjà, c'est la galère. Mais là, je bosse pas. Les thunes, bah forcément les thunes, vu que j'ai une plombe sans bosser, bah forcément, bah, je suis dans la merde. Voilà, quoi, j'ai encore derrière une femme, quoi, à petite bosse, quoi. Voilà, quoi. Ah, mais moi, je veux juste te dire, juste un peu, deux secondes, ferme ta gueule et écoute ce que j'ai un peu à te dire, gros. Sérieusement. Tu crois pas? Tu me prends la tête, là, juste parce que je t'appelle, alors que ça fait deux semaines qu'on n'a plus de contact, plus rien, tu me fais la gueule. Là, moi, je t'appelle... Tu me pas pourquoi. Je t'appelle pourquoi? T'as pas l'idée de te dire pourquoi en fait il me fait la gueule, quoi. Ah voilà. Tu me laisserais un petit peu parler au lieu de me prendre la tête. Juste, je t'appelle franchement, sérieusement, pour m'excuser, te demander pardon. Certes, ça fait deux semaines, mais je t'appelle pour que t'arrêtes de me faire la gueule, quoi. Que tu m'excuses, tu me dis voilà, me pardonner, quoi. Ouais, et puis moi je fais quoi moi, en ce moment-là? C'est toujours pareil, quoi. Oh, t'as 8 doigts, ça va. Nickel, écoute. Mika, c'est que des doigts. Ouais, c'est ouais, vrai, si on compte les doigts de pied, ça t'en fait 18. Ça t'en fait 18 quand même. C'est des doigts, ouais. C'est ça, oui. Oui, bien sûr, oui. Bon, Poto, bonsoir. C'est Marion et Anso. T'es en direct sur Fun Radio dans le Night Show. Alors, effectivement, on comprend que tu sois un peu chonchon. C'est compliqué. Ça a dû te faire hyper mal. On comprend. En même temps. D'accord. Ah oui, en fait, il y a ça à foutre de l'appeler de Fun Radio pour ça, quoi. Non mais Mika, déjà il le fait parce qu'il a envie de le dire devant toute la France, donc c'est plutôt une preuve d'amitié. Grave. Tu vois, il s'en veut vraiment, hein, tu sais, nous, il nous a appelé, ouais. Il nous a dit ouais, c'est dommage que je sois pas dans la chirurgie, bon, lui envers les doigts. Donc, ah, ouais. il est pas bien, hein. Et ça arrive à tout le monde, t'as jamais fait de conneries, toi? Attends, ouais, franchement, Mika, qui n'a pas cassé le membre d'un ami? Attends, hein, franchement. Hein? Je sais pas. Bon, Mika, vous allez pas gâcher votre amitié pour une histoire de doigts. Voilà, ça va se remettre tranquillement. Il t'en reste 8. Le boulot, c'est un peu chiant, mais je suis sûre qu'il va t'aider. Enfin bref, il faut que tu lui pardonnes, quoi. C'est hyper important. Puis nous, c'est notre dernière semaine. On a envie de positif, tu vois? Voilà. Ouais, c'est un peu, oui. C'est un peu chantage, quoi. Positif. Bon, Mika, dis-lui que tu l'aimes à Jonathan. Bah quand même, t'exagères un peu. Ouais, peut-être non plus. Bon, Jonathan, on est sur une personne qui est... Attends que ça se reconstruise, tout ça, les os. Ouais, hein. Mais c'est bien parti. Dis-lui un dernier petit mot, Jonathan. Bon, Mike, sérieusement, tu veux me pardonner ou pas, honnêtement? C'est bon, je serai là. C'est moi, je t'emmènerai en voiture. Si t'as besoin de cours ou des trucs comme ça, moi, je t'emmènerai et basta. Voilà. Oh. Ah, c'est bon. Mika! Là, je suis en voiture, là, donc je peux pas. Là, rappelle-moi à l'heure. Bon, ben alors on va c'est la première fois que ça arrive, ça. Mais oui, c'est bon, oui, c'est bon. Ça va. Oui, puis on n'a pas tout à l'heure. D'accord. Voilà. Bon, et ben merci en tout cas, Mika. Vous allez vous expliquer hors antenne, tout va bien se passer. Okay. Bisous, Mika, fais attention sur la route. Bisous. Ok. Bisous. Allez, et puis Jonathan, John. On a eu chaud, hein. Ouais. Jonathan, je pense qu'on peut dire, c'est gagné. Bravo. Ah, ils ont raté. Eh, stylé, hein, l'overboard. Jonathan? Je suis là. Il faut s'acheter une petite pêche quand même, là, Jonathan. Ouais. Bah, je suis content, mais c'est cool, je suis content. Bah, s'il me pardonne, j'espère que ça va fonctionner. Par contre, tu lui prêtes pas l'overboard, hein, à part au chute, tout ça. Ah non, c'est sûr, qu'il n'y a pas qu'il se pète les dents non plus. Voilà, c'est ça. On t'embrasse. Bah, pareillement. Bisous, Jonathan. Bisous. Ciao. Inscrivez-vous, vous aussi, là, pour le Je te demande pardon. Marion et Anne sort au funradio.fr. Il y a de l'overboard à gagner. En plus, un pardon. Vous avez vu, on sait arranger les choses avec Anso. Oui, c'est ça. C'est bien parce qu'en plus, on force pas du tout les gens. C'est notre spécialité. Et notre deuxième spécialité, c'est le moment yonf. On se confie sur le sexe avec vous, là. C'est la dernière semaine. 5 jours pour parler cul, allez-y, inscrivez-vous, appelez-nous 01 42 48 5000. Et dans quelques minutes, on voulait vous parler d'un nouveau site. En fait, c'est un site porno qui a lancé un casting pour de la téléréalité porno. Ouais, c'est chelou. Hein. Alors c'est bizarre, je suis pas sûre que ce soit une bonne ou une mauvaise idée, j'en sais rien, j'ai pas d'avis, donc j'attends les vôtres. 01 42 48 5000, on en parle juste après. Benny Benassi et Chris Brown, là, sur Fun. I'm here at the end, yeah. I could go back to the start, I'd do it again, yeah. I'd live like never before. Now will you remember? Remember me when I'm gone. Remember the heat, yeah. That's keeping you warm, saying fire. Now we're burning up, not over. Yell and turn it up. Let go, let go, let go. In paradise, the closer I get to you, it feels like paradise. And I'll do anything you want me to when we're in paradise. C'est Marion et Anso, le Night Show. Et ça y est, c'est l'heure de parler Yonf. Alors, il y a des mineurs dans le studio, il y a Roxane, notre talent, qui est venue. C'est pas le moment de mettre le casque et d'écouter. Voilà. On fait comme si tu n'étais pas là. Nina ouais. et Maëva qui sont là, c'est pareil. On va essayer de faire abstraction. Parce qu'en fait, il s'est passé un truc qu'on a découvert avec Anso. Ouais, et je vous dis, les gars. Elle vient de voir la bande-annonce en plus. Je vous dis, les gars, même moi, je suis choquée. Alors, pour vous dire. En fait, je vous explique. Ça se passe aux États-Unis et c'est un site porno qui s'appelle X Hamster, pour pas leur faire de pub, qui a lancé Sex Factor. En fait, c'est quoi? C'est une émission de télé-réalité comme La Nouvelle Star, mais pour le porno. En gros, c'est 16 anonymes qui vont devoir tourner des scènes, jouer la comédie, faire des pratiques sexuelles, tout ça, devant un jury de pros, et le gagnant remporte un contrat. C'est juste un truc de ouf. $1 million en plus. Ouais, c'est quand même énorme. C'est énorme, ça se passe sur internet et je pense que ça va cartonner. La bande-annonce, c'est tout ce qu'il y a de plus trash, c'est que des amateurs. Donc forcément, les gars apprennent le porno devant les caméras. Il y a zéro limite. Juste pour vous donner 2-3 détails, il y a quand même une scène où la nana se fait masturber par un débouche-chiotte, quoi. Ouais, voilà, une ventouse. Non, mais c'est-à-dire que imaginez quand la prof vous dit Anso au tableau, récite ta poésie. Bah là, c'est pareil, sauf que c'est une fellation en fait. Et que c'est devant tout le monde, filmé, ouais, tout ça, quoi. Hein, donc très gênant, je pense. pense qu'on a passé un cap dans la connerie humaine. Mais enfin bon, c'est aux États-Unis. J'espère que ça n'arrivera jamais en France. Mais du coup, ça nous a donné une idée avec Anso. On avait envie de vous demander quel rôle de film de cul vous aimeriez bien jouer. Alors pas forcément une envie comme ça réelle, mais si jamais vous deviez être quelqu'un dans un film de cul, ce serait quoi? Et on commence par toi, Anso. Moi, je pense que je voudrais jouer que dans des films avec des pompiers, tu vois. Un truc dans ce style. Ouais, quoi. Parce que t'es fan de l'uniforme ou juste pour éteindre le feu que t'as au derche? Les deux, Marion, les deux. J'en étais sûre. Bon, appelez-nous la 01 42 48 5000. Venez nous dire quel rôle vous aimeriez jouer, vous, dans un film porno. Ça peut être plein de trucs, hein, tous les clichés qu'il y a. Toi, t'es très cliché avec tes pompiers. Hein. Ouais, mais parce que les pompiers sont canons quand même. Bah oui, mais bon, le film de cul avec un pompier vu et revu, quoi. Ouais, bah écoute, on va voir toi dans un instant. Tiens, on va te poser la question. Bougez pas, c'est Marion et Anso, le Night Show jusqu'à minuit. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Christina, si jamais t'as un titre pour draguer, tu prends lequel? Bah, ce serait Robbie Williams. Ah, il est pas mal. Ah, il est pas mal. Alors là, mais je peux tomber, mais comme une crêpe. Voilà. Comment tu dragues là-dessus? Tu te fais plaquer contre un mur. Running through my vein. Ah ouais. Bah dis donc. Le truc, c'est hyper romantique avec Castle. Tu te fais plaquer contre un mur. Il te fait, c'est maintenant et tout de suite, t'enlèves ton slip. Et là, le mec. Calme-toi. Bruno dans la radio. Bruno. Reviens demain sur Fun Radio. Emmenez Fun Radio partout avec vous. Avec l'appli Fun Radio. Fun. Sur iPhone. Fun Radio. c'est pas Marion et Yanso. Oh, comment vous les décrire sans passer pour un pervers? Marion est brune. Salut, c'est Marion. Et Yanso est blonde. Salut, c'est Yanso. Et vers 23h30, ben, elle parle de cul, voilà. C'est vrai, on parle de cul et on parle d'une télé-réalité porno qui vient de sortir aux États-Unis. On va y revenir, mais avant ça, on s'est quand même rendu compte que ce soir, je sais pas ce qui se passe, on n'a pas eu Pépère. Bah oui. Pépère est absent et j'aimerais bien qu'il nous parle d'Ibiza parce qu'il était là aussi, comment il a vécu tout ça, quoi. Bah écoutez, Pépère, il a vu des culs et des culs et des culs. Ouais, et là-bas, on est d'accord, elles sont pas très habillées. Ah bah non, je peux te dire qu'elles ont que des strings. D'accord, et t'as kiffé ou pas? Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Il y avait Tiny Tenta. Tiny Tampa. Après, il y a eu aussi Fédé. Ouais. Il y a eu Seul au Monde. Non. Seul au Monde. Seul au Monde. Et puis voilà, sinon c'était très cool. Ouais, c'était hyper cool, on s'est marré. Et aussi les filles, il y avait Mikosé. Oui, c'est vrai, ouais. Mikosé de Partifem. Et d'ailleurs, Pépère, on a pris l'avion avec Mikosé. Ouais. Et donc du coup tu nous as fait un magnifique J'ai dit welcome and board. On le retrouve dans quelques minutes Mikosé, ouais. Évidemment. Big up. Merci Pépère, on te demandera ton avis dans quelques minutes sur tout ce qui est télé-réalité porno. Mais là on vous pose la question à vous, les auditeurs, 01 42 48 5000. Si vous pouviez être un personnage d'un film de cul, ce serait lequel? Lâchez-vous, on veut de la réac drôle et sympathique. Alors toi tu disais que j'étais dans le cliché, parce que moi je disais que je jouerais que dans des films où en plus c'était pas à des pompiers genre l'uniforme. C'était genre, moi je voudrais un vrai scénario où un homme fort et beau et musclé vient me sauver de quelque chose de difficile, tu vois. Toujours dans la protection. Et donc toi tu trouvais que c'était cliché, mais toi ce serait quoi? Bah toi c'était cliché parce qu'en plus c'est pas un personnage que tu te construis, c'est les autres. Tu veux être entouré de pompiers, bon très bien. Moi j'aimerais être la petite écolière. Alors attention, rien de malsain, pas l'écolière mineure, tout ça. Celle qui est majeure, qui fait plein de bêtises à l'école, qui est complètement à fond sur les profs, tout ça quoi, la malsaine, tu vois ou pas? Ouais, je vois. Ah, celle qui a redoublé 6 fois sa 4e et 3 fois la seconde, quoi. Ouais, c'est un peu ça, exactement. Celle qui, est, bah, qui mérite des fessées, quoi. T'es complètement dans le cliché toi aussi, hein. Non. Bah si. Bah je suis désolée, non. 01 42 48 5000, vous nous appelez là maintenant pour nous parler fionfion. Oui. Et c'est Fab de Nancy qui est avec nous. Bonsoir Fab. Bonsoir. Ça va Fab? Ça va et toi? Ouais, très bien. Dis-nous, t'aimerais être qui toi? Ah, caméraman, c'est mieux. Ah bah il a raison, il est malin. Pour filmer quoi. Ouais. Exactement. D'accord, mais du coup. Tu peux faire les zooms. Ouais, tu peux faire les zooms, c'est un avantage. Ouais, mais tu les touches pas les meufs aussi Fab. Ouais, mais c'est pas grave, ça se regarde après. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en plus, t'es sur tous les tournages, du coup, tu kiffes, tu trinces l'œil. Mais je crois que c'est pas si kiffant à voir, en fait, en vrai. Parce qu'il y a plein de, bah, de trucs et astuces pour masquer les pannes, les machins, les jets. Je sais pas trop comment le dire. Mais il y a plein de trucs et en fait, ça désacralise complètement le truc et c'est pas si kiffant. On en avait parlé dans le Night Show une fois et on avait dit, et on avait eu un acteur porno d'ailleurs au téléphone qui nous disait que c'était pas vrai le lait concentré, hein. Ouais, mais il y a d'autres astuces. Ah bon? Ah bah oui, évidemment, il y a plein de trucs. Et du coup, forcément, je pense que c'est moins excitant à réaliser qu'à voir après. Mais bon, on prend. Bah écoute Fab, bonne carrière dans la réalisation porno. On t'embrasse. On t'embrasse Fab. Pareillement, bisous les filles. Bisous. Pareillement, bisous Fab. Il y a qui d'autre? Il y a Claire de Paris. Bonsoir Claire. Bonsoir Clairette. Bonsoir Marion, bonsoir Anso, bonsoir à toute l'équipe. Ça va Claire? Ça va très bien. Dis-nous, t'aimerais être qui toi? Moi, j'aimerais être la malade dans le cabinet du docteur. Ouais. Pour qu'il puisse m'enfoncer des thermomètres et tout ce que tu veux. Ah, carrément. Eh bah putain. D'accord. On y va, quoi. Bah, ça dit, ouais, je peux comprendre le petit délire, quoi. Patiente, docteur, il y a un petit côté cool. Ouais, enfin, vous avez pas vu la tête de mon médecin. T'as pas du tout envie de faire un porno quand tu vois la tête de mon médecin. Ah non plus. Oh là là là là. Mais de toute façon, globalement, dans le porno, ça ne ressemble en rien à la réalité, ni dans les faits, ni dans les profils des gars, quoi. Non, mais parfois, tu peux avoir des bonnes surprises. Moi, j'ai un boucher en bas de chez moi. Franchement. Il est bien. Ah, mais il est canon. Tu sais que je suis allée beaucoup chez lui acheter de la viande dont j'avais pas besoin. Juste pour qu'il me repère. Bon, bah, on est toujours sur un mec qui me voit pas. Ah, putain, c'est génial. Il faut que tu te filmes, que tu fasses un snap pour qu'on le voit. Donc, bah, si. Si tu m'écoutes, c'était moi les 10 kilos de côte de bœuf l'autre jour alors que je vis à 1. Ah, magnifique. Tu m'amènes le voir. C'est ça. On prend ça, chérie, le coup de la patiente avec le médecin. Pas de soucis. On t'embrasse, Claire. Oui. Bonne soirée, bisous. Bisous, bisous. Bisous à toi. Manon à l'arrière, ça m'intéresse. T'aimerais être qui, toi? Moi, je pense que je me contenterais d'être le réalisateur, comme ça, après, voilà, tu fais les films que tu veux. Pas faux. Et est-ce que c'est pas plutôt le fait que t'as aucune chance d'être pris au casting, par exemple, Mano? Aussi, c'est pas faux. Je vois tellement pas Mano dans un film de cul. Mais en plus, il serait hyper gêné, Mano, il serait trop mal à l'aise. Ça n'irait pas du tout. Oh, des culs. Bon. Les gars, puisqu'on parle de cette télé-réalité qui a été lancée là aux États-Unis, ça s'appelle Sex Factor. Je vous encourage pas à le regarder parce que franchement, c'est trash. Ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment pour les adultes qui sont blasés dans leur vie de couple et qui n'ont plus que ça pour s'exciter. Ouais, c'est ça. Mais sinon, quand même, le gagnant remporte, je vous rappelle, un contrat plus $1 million. Je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de participants. Ouais, puis on va pas se mentir, je pense pas que la télé-réalité arrive en France. Hein. Non. C'est ça, mais du coup, moi, j'ai trouvé les pires télé-réalités qu'ils soient pas forcément sur le cul. Je vais vous donner à chaque fois le nom de la télé-réalité, c'est dans d'autres pays, avec deux descriptions possibles. À vous de me dire laquelle est la bonne, ok? Ok, vas-y. Born in the Wild. Est-ce que c'est le but est de faire accoucher des femmes en pleine nature sans aide ou réussir à rester en immersion avec des animaux sauvages, à votre avis? Non, c'est faire accoucher, puisque born, c'est naître. Et in the wild, c'est dans la nature. Ah, tu parles anglais maintenant, toi? Ouais, ça dépend des moments. Ouais. Exactement, c'est de faire accoucher des femmes en pleine nature, tout filmé, sans aide. Ah ouais, oui, je l'avais vu, j'avais vu, ouais. J'avais vu une vidéo sur Facebook où la fille, elle accouchait dans une forêt et dans l'eau, je crois. Seule, hein, en plus, hein, ouais. Souvent. Ça avait fait polémique, effectivement, ouais. C'est dangereux. Ouais, je sais pas, je crois que c'est aux États-Unis, ça. The Unditable. Est-ce que c'est une émission de dating qui a pour but de caser l'animateur avec une fille? Ou est-ce que c'est une émission de dating réservée aux handicapés, aux malades graves et aux moches? Je crois que c'est la deuxième option. Malheureusement, c'est la deuxième. Mais non. Mais quelle honte, je te jure. Ah mais si, mais ça aussi, j'avais vu des extraits, ils en avaient parlé il n'y a pas très longtemps. Bah, ouais. The Unditable, ça veut dire les incasables, quoi. Ceux qui n'ont aucune chance. Ça, C'est vraiment moche. Comme bah, c'est moche, c'est dégradant, c'est pourri. Alors, ils vont te vendre le truc comme quoi, oui, c'est donner une chance aux handicapés, aux gens, mais pas du tout, quoi. C'est du racolage, c'est de la merde. En tout cas, si ça avait été vraiment une émission de dating pour caser l'animateur avec une fille, moi, j'aurais voulu être l'animatrice, par exemple. Ouais, c'est une bonne idée, et ça. Et caser avec un mec. Puiten en Sicken. Ça doit être en Hollande. Est-ce que c'est une émission où les chroniqueurs doivent essayer des choses improbables en plateau, comme une partouze, des shoots d'héroïne, tout ça? Mais non. Ou est-ce que c'est des anonymes qui doivent faire des lancers de couteau sur une roue où se tient un proche à chaque lancé, la roue se rétrécit? Le premier. Toi, Anso, tu dis quoi? Non, moi, je dirais le deuxième. Non, c'est le premier, Amir a raison. Les chroniqueurs doivent essayer des choses improbables comme des shoots d'héroïne, des partouzes, des trucs qui ne se font pas, quoi. Mais en plateau. Arrête. Mais je te jure que c'est où ça? Dans ces pays-là, il n'y a pas un conseil de l'audiovisuel aussi puissant que le nôtre. Non, c'est clair. Dur que le nôtre. Ouais, mais il faudrait pourtant, parce que là, c'est grave. Hein. Pig Brother, est-ce que c'est une télé-réalité autour de cochons? Ils participent à une Olympiade et les téléspectateurs misent sur le meilleur cochon pour remporter un an de charcuterie. Ou est-ce que c'est une télé-réalité sur un Américain qui souhaite devenir mi-homme, mi-cochon à base de chirurgie esthétique? C'est l'un des deux. Que... Et l'un et l'autre me font flipper, en fait, je t'avoue. Pig Brother. Amir, tu dis le premier? Ah ouais, le premier, personne ne se transforme en cochon. C'est tout à fait ça. Bah, du coup, toi qui es fan de charcuterie et de boucherie, tu pourrais jouer. Tu mises sur ton cochon et un an de charcuterie à gagner. C'est plutôt pas mal. Ouais. Une Olympiade avec des cochons. Pourquoi pas? Écoute, c'est pas mal. The Sex Inspectors. Est-ce que c'est un homme ou une femme déguisée en policier qui essaie d'abuser de son uniforme pour coucher avec un maximum de personnes? Ou sur un plateau, des couples avec des problèmes sexuels doivent faire l'amour devant un sexologue qui leur donnera des conseils? Ah, c'est ça, je l'ai vu. La deux. Mais quelle horreur. C'est ça. Et en fait, ils font l'amour dans une boîte, hein, c'est ça? Et ils font un. Ah non, c'est pas ça. Si. Non, ils font l'amour dans une pièce, le sexologue regarde tout, c'est filmé, et après ils leur disent ce qui va pas, ce qu'il faut améliorer. Ouais, c'est, faut vraiment pas avoir de pudeur. Hein. Ben, faut vraiment pas avoir de dignité, rien du tout, quoi, ouais. C'est gênant. The Big Donor Show. Est-ce que c'est plusieurs personnes en attente d'une greffe qui sont sur le plateau, le public vote pour savoir quel patient aura le droit de le recevoir, ou plusieurs candidats doivent venir en aide et soutenir une vieille personne en fin de vie, la vieille personne choisira ensuite la meilleure personne pour lui léguer sa fortune? Ah, oh là c'est... là, mais les deux sont malsains. Mais je crois que c'est la deuxième, parce que la première ça doit pas être légale. Non, c'est pas légal la première. C'est tout à fait la première, The Big Donor Show, mais avec des faux patients pour sensibiliser aux dons d'organes, en fait. Ah d'accord, c'était donc pas vrai. C'est quoi. Une joke, mais c'est vrai quand même. Le truc, c'est tu fais voter les gens et tout, et après, bon, ils te disent non, c'est des faux, quoi. D'accord. Bah, l'intention est là, mais je trouve ça moyen, quoi. Et ça marche qu'une fois, parce que tu peux pas prendre les gens pour des coups pendant deux émissions. D'accord. C'est un one shot. Hein. D'accord. A double shot at love. Pour vous, c'est deux sœurs jumelles qui cherchent l'amour pour un plan à trois, ou deux sourcils jumeaux qui cherchent l'amour pour un plan à trois. Ouais, deux sœurs jumelles. Oui, bah oui, Amir, premier doc, tu sais. C'est ça, deux sœurs jumelles, je trouve ça assez marrant, ça, pour le coup. Ouais, mais je me serais mais étant avec deux sœurs jumelles qui font un plan à trois, moi, je trouve pas ça marrant. Hein. Bah, moi, ça me fait marrer, on voit pas, évidemment, l'acte sexuel filmé, mais elles cherchent un mec, et bah, ça va. Mais tu peux pas faire l'amour avec ta sœur, enfin. Oh, les gars. Bah, attends, c'est le fantasme de plein d'hommes, Anso. Ça te dégoûte. Ah, mais non, mais on fait pas l'amour entre frères et sœurs. Bah, mon frère est quand même pas trop mal bâti. Non, mais c'est vrai, mais bon. Voilà, c'était les pires télé-réalités du monde entier. Franchement, on est plutôt bien desservis en France. On a les anges, on a tout ça, mais on n'a pas ces merdes. Ouais, quand même. Pépère, est-ce que on peut te demander à toi si je sais pas, t'as un avis là-dessus ou si peut-être il y a un personnage de télé-réalité porno que t'aimerais bien être? Bah oui, hein, est-ce qu'il manque Il est perdu lui, hein. Alors Pépère, il faut se remettre d'Ibiza tranquillement. Ouais. Allez. Bah Pépère, lui, dans un film porno, il aimerait être distributeur. De capote? Non, de MST, hein. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. D'accord. Merci Pépère. Oh là là, ça marche. Ouais, c'est très beau ça. Bon, bonsoir Mikosé. Ça va bien? Ça va et toi? Moi j'en peux plus, je l'ai supporté deux jours à Ibiza, Pépère, j'en peux plus. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, fais gaffe à ton cul, hein. Vous avez vu que Mikosé et Mano à l'AREA ont un point commun. Ils ont tous les deux gardé les 860 bracelets, parce qu'il faut savoir que quand vous allez à Ibiza, il faut vous acheter un troisième bras. Oui. Parce qu'on vous met tellement de bracelets pour rentrer dans des endroits, mais mec, comment t'as pu les garder? Mais ils m'ont saoulé. Bah pour l'instant, je les garde. Ils tiennent. Ouais, c'est stylé, ça fait un souvenir. J'en ai perdu un ce matin. Ouais, je sais pas, je les ai coupés. Tu les as gardés ou pas? On pourrait les offrir aux auditeurs. Non, bah, non. Ceux de Manon, on va les offrir. Ouais. Mais qu'est-ce que tu veux en foutre? Bah, on fera un pack tout amour avec, sans souvenir. Oui, bah, ça revient, le pack tout amour. Bah oui. Des bracelets que tu peux plus jamais porter, ça c'est un beau cadeau. Mais on va les dédicacer. Ah bah c'est encore mieux, non? Ah mais les beaux cadeaux, c'est les emballés bizarres. Mais est-ce qu'ils seront dédicacés par Marion Fascam ou pas? Oui, je vais les dédicacer. Bon, on va vous laisser avec Mikosé. On a un blind test. Alors, est-ce que avant, parce que comme on s'énerve tout le temps dans les blind tests, tout ça, et c'est le dernier de la saison là probablement, je sais pas si on en a un semaine prochaine, mais bon, j'aimerais quand même avant tout faire un énorme bisou à notre talent qui est venu ce soir. C'est Roxane, allez mater sa chaîne, c'est Roxane TV, c'est une rappeuse, elle va forcément cartonner et percer. C'est juste un amour en plus. Oui, récupère ton micro, chérie. Oui. Viens parler avec nous. Si t'avais une dédicace, un truc à faire pendant que l'ambiance est calme, c'est le moment, vas-y. Alors, est-ce que vous pouvez. Enfin, je peux dire le nom de ma chaîne? Bien sûr, vas-y, vas-y. Alors, j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent le nom de ma chaîne, donc c'est Roxane TV. Oui. Et dessus, il y a tous mes raps et des vidéos, des podcasts, quelques courts-métrages, etc. Roxane TV. Cool. Tu veux faire une dédicace à tes potes ou c'est bon? Merci de m'écouter. Si ah, c'est gentil. Et merci à tes parents qui sont venus avec toi. Ils sont adorables. Ouais, merci des amours. Papa, maman. Oh, bah c'est beau. Et maman, elle filme. Alors, on fait des coucous à la caméra. Maman de Roxane. Sais, comme chez Jacques Martin. Ouais. Bon, maintenant, on peut y aller. Roxane, tu peux. Qu'est-ce qu'il y a? La référence de Yum. Ouais, en plus, il est décédé, non? Ouais. Oui. Mais je savais que j'avais mis les pieds dans le plat. Bon, blind test. Blind test avec Mikosé, c'est quoi le thème? On va faire les meilleurs titres, les meilleurs blind tests de la saison. On a eu du Disney, on a fait du cinéma, on a fait des séries. Ouais. Donc je vous ai remis un petit peu tout ça, le meilleur du meilleur. D'accord. Alors, par contre, des règles. Tu verras. Il a ramené un petit cadeau. Hein. Oh cool, j'adore. Bon, donc toujours pareil, hein. Mano, Amir, Anso, ouais. Marie. Les garçons exactement. Contre les filles. Et... on gagne à 5 points avec 2 points d'écart minimum. Oui. Ouais. Par contre, le premier qui donne une mauvaise réponse donne un point à l'adversaire. D'accord. Mais par contre, on dit bien le prénom. On dit le prénom. J'arrête l'extrait. Qui est juge? Cindy. Cindy est juge. Ouais. C'est la personne fiable de cette équipe. Mais quelle fiable, ouais. C'est une mytho. Mais non, elle est au top, Cindy. Et si jamais il y a litige, Roxane est là pour départager tout le monde. Vous pouvez jouer à la maison. On filme tout, ça va être le feu. Anso, je compte sur toi. Allez, go. Allez. On commence par une série. Vas-y. Marion. Marion. Desperate Housewife. Perdu, ça fait un point pour Amir et Mano. Ah bon, c'est Dexter. Dexter. Mais espèce de con. Ah mais c'est une nouvelle règle ça, le point à l'équipe adverse. C'est ce que je viens de dire juste avant. Ça évitera de donner son prénom trop tôt. D'accord. Allez, numéro 2, c'est un film ce que vous dites. Ça, c'est un truc pour les filles ça. Anso. Mano. Oui. La Boom. Oui. Merci. Allez. Anso. Un partout. Un partout. Ok. Amir. Walking Dead. Exactement. Allez. Et Roxane, tu veux aider, attention, tu veux aider les gens là, je te vois. Excusez-moi, Mano, il croit que s'il perd, il donne un 1. Parce que le gars est beaucoup trop bas. Non, mais il y a un cadeau, peut-être qu'il a perdu toute l'année, donc là, il faut qu'il se rattrape si tu veux. Série, film, les deux. Amir. Anso. Vas-y, Amir. X-Files. Oui. Eh, hey, 3 points, il vous met une race. C'est ce bon, soir, c'est sans bon, c'est bon. Amir. Tu l'as dit, tu l'as dit, tu donnes. Tu l'as dit, il l'a dit. Allez, Cindy, il l'a dit. Amir, tu donnes ton titre. Donne une réponse. Vas-y, c'est bon. Tu sais quoi, je donne pas de réponse, je donne le point. Allez, ça fait 3-2. C'était quoi? C'est les aventures de Rabbi Jacob. Oh putain. Ouais, mais mec, t'es sérieux? Bah, t'as dit aussi, c'était vachement bien, Louis de Funès. 3-2. Amir. 24 heures chrono. Exactement. Et 4 heures. Moi, je croyais que c'était un bruit de fond. Bah, moi aussi, je savais pas qu'on était parti là. Bah, hé. Bah, allez, 4 à 2, hein. 4-2, ouais. 4-2, pardon. Allez. Manuel. Bah oui. Prison Break. Tom Hanks. Oh putain. Mais je l'avais aussi. Pop, pop, pop. 5 à 2. Et bah voilà. Ah bah ils ont gagné en fait. Déjà le S5-2, le blind test le plus rapide de l'histoire. Franchement. Amico. Tu sais quoi, n'ayons aucun regret puisque je n'avais qu'une seule bonne réponse. Bah oui, et puis j'ai envie de te dire, c'est pas grave, celle-là c'était pas pour nous, on a gagné toute l'année. Ouais, on leur laisse. Eh, j'avais 40 accès de prêt, bravo, tout ça pour ça. Un dernier pour le fun. Vas-y, vas-y, juste pour le sport. Ok, attends. Bon, une fois qu'elles sont bonnes joueuses en plus. Ouais, c'est ça en fait. Tellement rare. J'avais ça aussi. Oh le yov. Manoël. Attends. Il faut le quoi. C'est un. Five. C'est un film. Le Five, bien. Mais en plus, il parle. Il a... Mec, t'as un ton, on a envie de te casser la gueule. C'est bon quoi, c'est Five. Il faut le film ou le nom de l'artiste. Mais ta gueule. Ou le nom du distributeur qui distribue le film. Je connais les arrangeurs moi. Excuse-nous quoi, Mano. Un meilleur. Ça te fait bizarre de gagner ou pas? Ah bah ouais. Bah ouais. Franchement, c'est beau. Il a le cadeau. Vas-y. Alors, Amir, ouvre-le. Miku, il fait toujours des super cadeaux de la Fnac. Grave. Il a offert. C'est un truc de meuf. Qu'est-ce que c'est? Non, il a offert de X-Files. Waouh. Et ben voilà. Ah. La série événement 13 ans après le retour de la série culte. En plus, je l'ai pas vu. Moi non plus, j'ai pas vu. Eh ben, il va faire tourner Amir. Ça va être très bien. Merci Miku, très beau blind test. Merci, on s'est fait ratatiner. T'es vraiment un mec sympa comme mec. On te retrouve tout de suite. T'as dit pareil à Adrien la semaine dernière. Oui. On se retrouve jusqu'à 1h du mat pour ta partie fun deep. On vous laisse avec Mikosé. Puis bah nous, on se retrouve demain, les amis, 22h minuit. C'est Marion et Anne Soul Night Show. On n'est pas encore en vacances, on est avec vous. Donc si vous voulez faire de la radio avec nous, Marion et Anne Soul, funradio.fr. Et je vous rappelle que mardi, on reçoit Kinvé. Ça va être le feu, les bichons. Pareil, même mail là, si vous voulez poser des questions à Kinvé. Oui, j'ai crocheté Enzo. Il est mort de rire. C'est tellement foutu de My mail. Si vous voulez poser des questions à Kinvé. Il fera son nouveau titre en live ou pas? On celui-là. Va tout faire pour. Et je crois que Roxane, elle a juste un petit mot à dire avant de partir. Oui, bah bien sûr, je vais lui parler à Roxane. Juste vous rappeler que nos chaînes YouTube, c'est Marion et Anso, Marion et Anso Gaming. On est là, on est ensemble. Allez mettre un pouce, allez vous abonner, ça fait plaisir. Et ma Roxane, c'est toi qui as le mot de la fin, on t'écoute. Merci beaucoup de m'avoir accueilli et je reviens quand vous voulez. Oh, t'es une bête. Bisous, babeur. Tu chantes avec nous, hein? 3. Ouais. 4. Est-ce qu'on était content d'être là? Bravo. On était content d'être là. Are you ready to go? Are you ready? Jusqu'à 1h. C'est Party Fun Deep. Let's go. Ouais. Party Fun Deep. Party Fun Deep avec Miko C. Fun Radio. Party Fun Deep. 0h09, on termine la semaine tous les dimanches soirs, vous le savez, avec Party Fun Deep sur Fun Radio. Tous les meilleurs sons en mode Deep House pour bien clôturer la semaine. Il y aura du Syncall, il y aura du David Guetta, il y aura du Lion, du Martin Solveig dans le quart d'heure. Et là, j'ai eu Pépère la semaine dernière, et là, j'en peux plus, j'ai Jeff Tuch en Pépère. C'est alors, horrible. Alors, moi, c'est Miko, c'est. Et je suis sur Party Fun parce que c'est ma radio, Fun Radio. Ok? Alors, ce soir, on écoute un Walker, un ami, et on vient vivre à Monaco avec moi. Voilà. Bisous, les amis. Au revoir. Et Welcome on Board, il pue par contre. Oui. Putain! Non, c'est Welcome and Bird. week-end, c'est parti fun. Sur Fun Radio. Fun Deep sur Fun Radio.